dans les années 90. Pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin, quand même. La playlist. Vous connaissez le slogan de cette publicité Audi des années 90. Il a la voiture, il aura la femme. J'ai sa playlist, j'espère que j'aurai l'homme à la méthode. C'est la playlist de Feel Good. Comment ça va, Phil ? Ça va, je suis prêt, enfin. Tu es prêt, tu as la méthode, celui qu'on appelle l'homme à la méthode. J'ai 10 titres à vous faire découvrir, parce que, et plus un titre de la honte, et que j'ai rajouté au dernier moment. Plus un titre libre de droit. Plus un titre libre de droit aussi. Mais je sais pas s'ils vont vraiment tous les faire découvrir, il y en a pas mal qui sont plutôt connus. Sauf oui, un. Je pense. Mais moi je connais pas, c'est normal. C'est normal, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. C'est le concept de l'émission. En fait, l'émission tu l'as créée pour te faire découvrir des musiques via les autres. C'était vachement bien joué quand même. Sachant que je n'écoute jamais de musique, c'est absolument parfait. Ouais, GG, bon concept. Péremptoire serait fier de toi. C'est encore mieux parce que maintenant je fais encore moins que péremptoire. C'est encore plus fort. On va commencer par... Petit générique. Non, un petit classique. Petit non, ça je le mets au montage. Tu le mets au montage le générique? Ah oui. C'est horrible. C'est tellement un monde qui s'écroule pour moi. Mais je resterai ton meilleur ami. Enfin non, ami au moins, faut déjà qu'on se croise une fois, mais... Puis après on se payera un verre. Et puis exactement. Après... Voilà, bon, après, le reste, les gens ne sont pas obligés j'ai, de savoir. J'ai ta playlist, on stera tout ça. C'est... On va passer par une petite bande originale d'il y a longtemps. Je suis ton meilleur ami sur le film, un petit film d'animation, Aladdin. Pas très connu, ouais. Maître, je ne pense pas que tu aies vraiment pigé ce que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Si Alibaba a 40 voleurs, Shérazade 1000 histoires de cœur... Ton maître, tu es encore bien plus fort, car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir, enfile tes gants, allume la mèche et tu seras gagnant. Ça va faire boum, enfin tout ce qui te chante. Alors, il y a un mec qui s'appelle Robin Williams qui est décédé l'année dernière, je crois. Ouais, c'est très triste. Bon là, c'est pas Robin Williams qui chante, on s'en doute, en français quand même. Oui, mais c'est Monsieur la Voix d'Énergie, c'est Monsieur la Voix de... C'est Monsieur Richard Darbois. Exactement. Bien entendu. Alors pourquoi celui-là? Pourquoi Aladdin? Alors pourquoi Aladdin? Mais parce que tout simplement il fallait une chanson de Disney, c'était obligé. Pour moi ça me paraissait être une évidence. Et parmi toutes les chansons de Disney, parmi toutes les bandes originales de films Disney, eh ben c'est celle d'Aladdin qui m'a le plus marqué en fait. Je sais pas pourquoi il y a ce petit côté, surtout dans celle-là, ce petit côté un petit peu jazzy, un petit peu... je sais pas moi, ça donne envie de bouger si tu veux. Et c'est vraiment une musique moi qui m'a marqué, celle-là elle m'a tourné dans la tête pendant pas mal d'années quand j'étais gamin. Et je sais pas moi, elle a cette magie toute particulière de Disney en fait. Cet émerveillement que peut avoir un gamin face à un film d'animation. Et vraiment Aladdin, je crois que c'est le premier Disney que j'ai vraiment suivi. C'est-à-dire quand tu sais, parce que t'as forcément vu des Disney quand t'étais gamin, mais il y en a plein que tu les as revus plus tard puis tu faisais ah oui c'était ça l'histoire. Et Aladdin, je crois que c'est le premier que j'ai vu en conscience quoi, si tu veux. Donc il m'a vraiment marqué. Pour moi c'est le Disney de référence en fait. Aladdin, tous les autres se comparent par rapport à celui-là, autant au niveau de la musique que au niveau de l'histoire, que au niveau du côté. Il y a un côté grandiose dans Aladdin quand même. Je veux dire, quand t'as la tête de tigre qui sort du sable, quand t'as cette espèce de grande cave avec la lave, etc., tu vois, t'as des trucs, il pète la classe, ce Aladdin, quoi. Je parle du film, hein, pas le personnage. Non, pas de flatulence non plus, d'ailleurs, c'est jamais. Non plus. Mais il y a plein de chansons dans Aladdin, il y en a énormément. Pourquoi ah oui, pas énormément. Ce rêve bleu. Parce que c'est une chanson de merde, je suis désolé de le dire, c'est pas la chanson qui me plaît le plus. Non, je suis désolé, ce rêve bleu, elle est gnangnan. C'est un peu ce que et je reproche. Elle est typiquement Disney gnangnan. Alors que les chansons les vraies chansons de Disney qui, à mon sens, sont vraiment bonnes, c'est les chansons qui ont du rythme. Si tu veux, t'as aussi les Aristocats, où tout le monde veut devenir un cat. Tu vois, celle-là aussi qui est vraiment sympatoche. Les chansons gnangnan de Disney me saoulent. très honnêtement, c'est pas celle qui me plaise le plus. Moi, j'aime bien quand ça bouge un peu, quand ça a ce côté amusant, en fait. Je sais, j'aurais du mal à le décrire autrement, mais et justement pas ce côté oh l'amour, c'est trop merveilleux, tout ça. Non, ça c'est bon, ça va. C'est dans chaque putain de Disney, c'est saoulant. Donc non, ce rêve bleu, non, vraiment pas celle-là. À la limite, j'aurais hésité avec Prince Ali. Oui, c'était la deuxième que j'avais proposée. Parce que là, effectivement, Prince Ali. Mais, et si tu regardes, les deux chansons sur lesquelles j'ai hésité, c'est les deux du génie, au final. Hein. Parce que pour moi, le vrai personnage principal dans Aladdin, c'est pas Aladdin. C'est le génie. Bien sûr. Et franchement, là où il faut saluer quand même le travail du doubleur, parce que j'ai revu Aladdin il n'y a pas si longtemps que ça, ça doit faire, allez, 3-4 ans. Et je l'ai revu en version originale cette fois-ci, parce que forcément avant j'avais pas l'âge de le suivre en version originale, et la performance de Robin Williams est égale à celle de Richard Darbois. C'est exactement la même, l'énergie qui est retransmise est la même, le niveau d'humour, enfin c'est le même personnage quoi. Alors que dans d'autres films, je vais par exemple citer Le Monde de Nemo, il y a des différences qui sont vraiment importantes entre la version française, la version québécoise et la version anglaise. Alors que là, bah, finalement, la version québécoise de Aladdin, parce que du coup j'ai fait le test, elle est moyenne, très honnêtement, alors que la version française et la version anglaise se valent. Quoi. Donc, c'est vraiment... là-dessus on a en fait un Robin Williams anglais, français pardon, j'avais une chance sur deux, et faut savoir qu'en plus le pire c'est que il double pas que Robin Williams ce type, au passage, parce que je me suis renseigné sur ce type là du coup pour la préparation de la playlist, et j'ai découvert que c'était aussi le doubleur d'Harrison Ford, celui de Richard Gere, celui de Jeff Goldblum, celui de Bill Murray. Du monsieur de Ghost. Patrick Swayze, oui, exact. Oui, voilà. Effectivement. La voix d'énergie. Ouais, et même pendant un temps, Sylvester Stallone. Et sérieux, ce mec, c'est une tuerie, quoi. Je ne connaissais pas à ce point-là. Si tu veux, j'en avais déjà entendu parler. Si tu veux, je savais que c'était un grand nom du doublage. Mais je savais pas qu'en fait, tous les grands acteurs qui m'ont marqué, en fait, c'était sa voix, quoi. Mais voilà, donc sinon, pourquoi celle-là en tant que chanson ? Ta-ta-ta-ta-ta. Parce qu'on est dans la playlist, on n'est pas dans le cinéma. Tu aimes les trucs rythmés, ok. Être comme vous. Livre de la jungle. Par le roi Louis. Ça bouge quand même. Ouais, mais le livre de la jungle, très honnêtement, je l'ai toujours trouvé très angoissant. Je sais pas pourquoi, il y a ce côté vraiment danger. Asseyez-vous permanent. Sur le fauteuil, monsieur, on va parler de ça. Allez-y. Non, mais je sais pas, je l'ai regardé quand j'étais petit, et donc avant d'avoir regardé Aladdin. Et je sais pas, moi, avec Bagheera, tout ça, ça m'avait flippé. Et je ne suis pas arrivé à me détacher de cette sensation de malaise originale. Donc pour moi, le livre de la jungle est assez malaisant comme film. Donc du coup, voilà pourquoi pas le livre de la jungle, parce que c'est pas un Disney que j'aime. Et les Aristochats ? Eh bien justement, j'ai un peu hésité avec les Aristochats, mais honnêtement, face à soit Prince Ali, soit ton meilleur ami, ça s'aligne difficilement, c'est juste un poil en dessous, si tu veux. Ça serait le troisième d'un top, quoi. Et Robin des Bois ? Ben, pareil, Robin des Bois, non. Sympa, si tu veux, des bonnes musiques, un très bon film d'animation, une histoire qui est absolument géniale, des personnages qui sont mémorables, mais tu vois, niveau musical, parce que c'est quand même la playlist, c'est pas le film, du coup, non, il n'y a rien qui t'arrivait à battre les musiques d'Aladin. Toute la BO est bonne, quoi. À part ce rêve bleu qui est très moyen, et pourtant, peut-être parce que je l'ai trop écouté aussi, c'est possible. Hein. Mais parce que tout le monde le chante à chaque fois, parce que voilà, il y en a ras le cul. Mais franchement, toute la BO d'Aladin tient le coup, Ça a été presque dur, si tu veux. J'ai hésité longtemps entre Prince Ali et ton meilleur ami. Merlin l'Enchanteur. Oui, mais on va pas tous les citer, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un Génial, tu moment, il vois. a fallu faire un choix. C'était un Disney, et ça m'est apparu comme une évidence. Après, il y aura un deuxième Disney pour une autre raison, mais là, celui-là, c'est... Le film Anna Montana. Oui, exactement, c'est ça. C'est exactement de ça dont on va parler. Ou pas du tout. Mais voilà, mais je sais pas. Alors pourquoi je me disais que c'était obligé de mettre un Disney? Parce que, bah, honnêtement, je crois que c'est la première introduction qu'on a à avoir des musiques dans la tête, hein, très honnêtement, hein, les films Disney. Hein, Ah, et pas je sais pas. les génériques de dessins animés. Bah, c'est dans la même catégorie, à mon sens. Et je pense même que dans la chronologie des âges, etc., ça doit peut-être même être les Disney avant les séries télé. Hein. D'ailleurs, j'ai pas mis de musique de série télé parce que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que dans l'absolu, on aurait pu. Quel dommage, tu ne pourras plus repasser dans cette émission pour Oui, ajouter non, une mais musique de série télé. c'est pas le problème. Mais voilà, tu vois, ça m'est apparu encore plus comme une évidence. Donc, bien la preuve que pour moi, c'est les Disney avant même les séries télé, dans l'ordre des Madeleines de Proust musicales. Parce que là, on est clairement dans de la Madeleine de Proust musicale. Donc ta playlist sera Madeleine. Si tu veux. Tu n'as jamais eu de tapis volant, par exemple? Non, mais par contre, putain, qu'est-ce que j'ai rêvé avoir un tapis volant. C'est que quand j'ai... Alors, je déconne pas, c'est vraiment ça. Quand j'étais gamin, justement quand Aladdin était sorti, j'ai insisté et je me suis acheté avec mon argent de poche un tapis de salle de bain qui avait des petits froufrous au bout, parce que j'étais persuadé que je pouvais en faire un tapis volant. Bon, en fait, j'avais juste mis mon skate dessous. Mais voilà, j'étais tellement influencé par ce film que je me suis acheté un tapis de salle de bain pour en faire un tapis volant avec juste un pauvre skate et une planche, quoi, Alors par-dessus que le skate. tu aurais pu offrir des cours de pilotage à ton grand-père, ça aurait fait un papy volant, ça aurait été beaucoup mieux. Oh putain, oh mon Dieu, oh mon Dieu, le niveau de cette vanne. Le Oh là niveau est là donné. là, oh mon Dieu. Bon, du coup, tu veux pas qu'on enchaîne sur un autre Disney, mais un Disney un peu différent? Est-ce que tu arrives à trouver l'exacte version? Je t'avais envoyé le lien, je crois, de mémoire, non? Non, du tout. Par contre, j'ai récupéré celle sur YouTube qui. Ça avait plutôt l'air d'être ça, on va Bah, dire. disons que s'il y avait un Mickey dessus, a priori, c'est bon. Il y a de grandes chances. Donc j'espère que j'ai la bonne, sinon je mettrai la bonne au montage. Bah oui. Tu me diras exactement. Oui, parce que je peux la reconnaître entre mille. Parce que j'ai dû en écouter mille de versions de celle-là. J'ai adoré son dernier album. Donc on va s'écouter Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Je crois qu'on dit Bach et Moi, je dis pas Bach. Bach. Moi, je dis Bach, comme tout le Je crois monde. qu'Apollinaire, il nous dirait de dire Bach. Voilà, c'est possible. Mais la version de Fantasia. Disney, Fantasia, et pas Fantasia 2000. Non, pas Fantasia 2000. Ah. Et surtout de la grande, grande musique classique. Et c'est peut-être un des pivots qui ont, bah, comme tu disais pour Aladdin, qui ont amené la musique classique chez les enfants. Ah, mais moi, ça m'a fait découvrir la musique classique. C'est ce qui m'a donné pas la passion, parce qu'il faut pas déconner, mais ce qui m'a donné ce respect pour la musique classique, cet émerveillement pour ça. Mais tout Fantasia, je le connais par cœur. Là, celui-là, je le connais plus par cœur parce que c'est la première. Et j'ai vraiment une fascination pour cette musique. Je peux passer des après-midi sur YouTube à chercher les covers les plus bizarres qu'il peut y avoir de la Toccata et Fugue en ré mineur. Bah, par exemple, si tu veux, c'est pas pour rien que pour Sandwich et Microphone, j'avais utilisé une version de la Toccata et Fugue en ré mineur en entrée et en sortie où j'avais trouvé un remix hip-hop. De la Toccata et Fugue en ré mineur. Est-ce que tu as trouvé en version mix de forain que tu mets dans les grands manèges vraiment très Euh, très j'ai sale? dû, j'ai, j'ai dû en écouter, oui, mais j'en ai écouté des très chelous. Alors, il y a évidemment le grand classique Toccata et Fugue en ré mineur joué sur 42 lecteurs de disquettes. Oui, non, mais Ça, ça c'est. voilà, plus scanner, plus imprimante matricielle. ça reste un classique, c'est normal, hein, tous les morceaux de classique. Et si tu regardes d'ailleurs, c'est les morceaux de classique hein, qu'on fait généralement. Bon, ça et la marche impériale. Mais je pense d'ailleurs qu'on peut considérer le travail de John Williams sur pas mal de choses comme étant de la musique classique. Hein. Dire Star Wars, c'est de la musique classique. Hein. Le thème de Star Wars, la marche impériale, tout ça, on est sur du classique. Alors pourquoi quitte à choisir, parce que je voulais absolument mettre une musique classique, parce que pour moi c'est une musique comme les autres. Enfin, oui et non. C'est-à-dire c'est une musique qu'on devrait mettre dans la playlist quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, faut être honnête, on a tous un morceau de musique classique qu'on connaît et qu'on apprécie particulièrement. Moi c'est celui-là, parce qu'il est plus que classe. C'est-à-dire, il y a des musiques classiques qui sont jolies, qui sont mignonnes, d'accord ? Et il y a des musiques qui te font des petits frissons sur le bras, à chaque fois que tu les écoutes. Et celle-là, elle fait des petits frissons sur le bras à chaque fois que je l'écoute. Mais tu sais que à la base, en fait, cette musique-là, elle avait un but. Pas, évidemment, outre le fait de l'écouter, hein, bien entendu, parce que ça, c'est un bon but. Mais à la base, ça avait été fait parce que Jean-Sébastien Bach, il s'occupait de construire, je crois, des orgues de mémoire. Il n'était pas responsable des orgues pour le roi, ou il y avait un truc comme ça. Oui, c'est un truc comme ça. Mais d'ailleurs, je crois que... Culture classique, envahis-moi, les sparkas sur Wikipédia. Non, mais oui, d'ailleurs, ça y est, dans le spectacle de... Voilà, justement, c'est pour ça que j'en parle. Merde, comment il s'appelle déjà? Putain, son nom m'échappe alors qu'il est... Alexandre Kaamelott, voilà. Voilà. Oh mon dieu, les cultures. Ouais, putain, c'est grave. La playlist, le premier podcast où on parle de musique avec zéro culture musicale. Je donne de l'argent à Wikipédia, vous inquiétez pas. Hein. mais donc du coup, quand il a composé ça, il l'a composé pour pouvoir tester l'instrument, quoi. Donc c'est une musique classique qui est aussi une démo, un crash test d'orgue. Et je pense que c'est aussi pour ça que elle a autant de puissance. Enfin, c'est-à-dire que en fait, quand on veut expliquer à quelqu'un la dynamique du son, je pense que la toccata et fugue en ré mineur, c'est un bon exemple. Parce que justement, t'as des passages qui sont très très faibles et très doux et très... tu vois là, par exemple, celui qu'on écoute, là, c'est très léger. Et après, tu peux partir sur des trucs beaucoup plus graves, beaucoup plus présents, beaucoup plus imposants, des fois plus grandiloquents. Et il y a vraiment tout dans celle-là. Elle est... C'est pas juste une mélodie qui est répétée ad nauseum. Ça raconte pas forcément quelque chose non plus. Mais tu as, tu as des paragraphes, si tu veux, dans cette musique. Tu as des mouvements, en fait, je crois qu'on dit en musique. Mais du coup, elle dure relativement longtemps, la toccata et fugue en ré mineur. Je crois qu'elle doit bien durer son petit 7 minutes de mémoire, non? Je sais plus exactement de combien de temps elle dure. 9 minutes 12. 9 minutes 12, oui, voilà, il me semblait bien que c'était de l'ordre de 10 minutes. Une chanson de 10 minutes, c'est vachement long. Je veux dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude... normalement, une chanson, c'est plutôt de l'ordre de 5 minutes que de l'ordre de 10 minutes. Bah, disons que c'est peut-être pas non plus, entre guillemets, une chanson, c'est peut-être plus un air de musique classique, s'inscrit dans une autre dynamique. Oui, on est d'accord. Mais prenons dans ce cas-là, tu prends le Requiem de Mozart, les différentes parties, elles sont pas très très longues au final. Hein. Donc 10 minutes, ça reste relativement long par rapport à ce qu'on a l'habitude d'écouter au quotidien, surtout sur les radios. Mais du fait que t'as ces différents mouvements, je la trouve pas longue. Du coup, je la trouve même relativement courte. J'ai l'impression, tu vois, qu'il aurait pu en faire quelque chose de 20 minutes sans trop forcer. C'est juste en répétant deux fois les morceaux qu'il répète qu'une fois, quoi. Mais déjà, de toute façon, à la base, si tu l'écoutes attentivement, tu verras qu'il y a, il y a plus ou moins trois parties. D'accord ? Et où à la fin t'as la fameuse conclusion dont je me rappelle justement sur le film d'animation Fantasia, pour revenir sur lui, qui était enfin, en fait t'avais la première le début où c'était tu voyais les instruments jouer, la musique se mettre en place, et après tu passais au côté film d'animation, et après tu revenais vers l'orchestre pour la conclusion. Tu sais, c'est vraiment le principe de... Il t'a emmené en voyage et il te ramène à ton point de départ. Alors, c'est sûrement le fait d'avoir vu Fantasia avant qui me met dans cet état d'esprit-là quand on arrive à la conclusion. Mais voilà, on est vraiment sur ce... C'est une promenade. En même temps, ça s'appelle une fugue, si tu veux. Donc, quelque part, je pense que ça doit être lié, même si je suis assez quiche en culture musicale. C'est ça dépayse en fait. Pourtant c'est une chanson que je connais. Enfin une chanson. Pourquoi j'ai une chanson alors que c'est un morceau? C'est un morceau que je connais absolument par cœur à la note près. C'est de la musique. Ouais voilà, c'est pas voilà, c'est de la musique. Mais et tu vois, je suis capable en trois notes de savoir si c'est la version de Fantasia ou si c'est pas la version de Fantasia déjà. Et en moins d'une mesure, je pense. Mais du coup, j'ai l'impression, tu vois, de faire un tour dans un lieu que je connais, qui est rassurant, qui est beau en même temps. Tu vois, j'ai pas vécu à la montagne, mais j'imagine que quand tu vis à la montagne, quand tu as un coin que tu connais, qui est pas très loin de chez toi, où tu peux aller te promener, et ben ça doit donner à peu près ça, si tu veux. Quand tu écoutes la fugue en ré mineur, c'est-à-dire tu te promènes dans un endroit, il est classe et tu t'en lasses pas. Voilà. Et c'est vraiment ce que je ressens avec cette musique en fait. Donc si tu écoutais ce morceau à la montagne, je l'ai déjà écouté à la montagne et c'est juste absolument, mais c'est une expérience absolument merveilleuse. Tu t'es baladé dans les montagnes mais complètement halluciné quoi. Je me suis justement à ce moment-là, je me suis pas promené à ce moment-là, je m'étais j'étais arrivé à un col en fait. Et je m'étais posé parce que bah j'étais arrivé au col, donc si tu veux dans l'absolu c'était le bon moment pour se reposer, profiter du paysage et enfin des paysages, je pouvais regarder de deux côtés et je me suis mis ça dans les oreilles parce que bah à l'époque j'avais mon Discman MP3 et que j'avais mon dossier avec justement juste la fugue en ré mineur dedans pour le retrouver facilement et je me suis écouté ça et tu vois ça m'a tellement marqué. Je me rappelle encore et je pourrais décrire la scène, je pourrais décrire les nuages qui s'écrasaient sur le flanc d'une montagne au loin, etc. Enfin, ça a pété la classe, quoi. Donc en fait, je pense que cette musique, c'est une musique qui peut améliorer un moment, tu vois. C'est vraiment, je pourrais... Mais bizarrement, tu vois, pas une conduite. Ça ne peut pas marcher pour une conduite. Ou pour se réveiller le matin, ça ne marchera pas. Mais comme souligne... Pour souligner un moment qui déjà à la base est un peu classe, là tu le rends mémorable et tu le rends majestueux quoi. Du coup, je veux être enterré avec cette musique. Enterré en écoutant cette musique là, même si t'es mort, on l'enterrait avec le CD. Bah avec le DVD du coup de Fantasia, tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire. Alors j'ai deux remarques. Oui. La première, est-ce que tu une peux me citer la remarque. Voilà, est-ce que tu peux me citer la règle 34 de l'internet? Me dis pas qu'il y a une version porno de la Toccata et Fugue en ré mineur. J'ai pas cherché sur YouPorn. Mais, mais quoi, c'est possible. On pourrait retrouver la règle 39 ou 40 de l'internet. Si une musique existe, il existe un remix dubstep. Ah oui, non mais c'est. Donc j'ai trouvé le remix dubstep de. Mais cette... c'est pas mauvais les remix dubstep en plus de Toccata. Oh non, mais quand même. Non, je suis désolé. Cette musique-là, tu peux la remixer comme tu veux. Tu peux pas en faire une version trop mauvaise. Quel que soit le style musical, je suis sûr qu'une version reggae serait classe. Quand même. Mais sinon, deuxième remarque un peu plus hors musical, on va dire. C'est amusant de remarquer que le début de l'animation a toujours été accordé avec des orchestres pour la musique. Je me souviens beaucoup des Looney Tunes, et souvent des orchestres, que ce soit même Bibi et Coyote. La oui, musique était faite par les orchestres. Et on retrouve aussi cette utilisation de la musique classique dans certains. Avec certains personnages. Je me souviens aussi de Bugs Bunny, qui était réveillé par un opéra classique des Noces de Figaro. Il se mettait à se fighter avec un soprano ou un ténor. Les gros monsieur qui ont une grosse voix. Et le mec se bat avec lui en même temps tout en chantant. C'est cette initiation à la musique classique est quand même très très intéressante. Est-ce que par hasard ce serait pas juste pour une bête question de droit? À l'époque, dans les années 50-60. Ouais, c'est possible. Bon, j'ai un gros doute. Ou alors pour une question de pas prendre une musique qui puisse se démoder dans le temps et que tu puisses l'utiliser même de nos jours et que ça soit une chanson qui reste connue. Bah, c'est universel la musique classique, c'est ça l'avantage. Donc l'avantage aussi, c'est que les Noces de Figaro, c'est pas une musique américaine que personne connaît en France. C'est les Noces de Figaro, tout le monde connaît dans le monde entier. Enfin, en tout cas dans le monde occidental. Mais ça apporte son lot d'images, de mythologie, de symboles, mais aussi de stéréotypes, qui peut être rigolo à détourner. Bah oui, par exemple, je te dis Boléro de Ravel, tu penses à quoi? Des pubs. Oui. Moi je pense surtout à une musique d'attente téléphonique. Oui, voilà, parce les que pubs, pendant un oui. temps, c'était quand même le grand classique, le Boléro de Ravel. Bon, plus dans les années 90, début des années 2000. Mais, Mais à la base, c'est la musique d'attente. Après, c'est vrai que tu as les musiques de pub aussi qui ont bien marqué ça. Par Mais là, exemple. C'est vraiment des questions de droit. Bah, alors, pour la musique classique, la gestion des droits, d'ailleurs, c'est toujours un peu chiant parce que tu as le morceau lui-même qui est maintenant dans le domaine public, donc tu as le droit de le jouer. Par contre, si tu utilises un enregistrement qui a été fait d'un orchestre qui l'a joué, dans ce cas-là, c'est l'orchestre qui a les droits sur l'enregistrement lui-même. Donc c'est pas parce que tu utilises de la musique classique que tu n'auras pas de problème de droit. C'est pour ça que tu peux te faire flaguer sur YouTube à cause de ça. C'est assez chiant, très honnêtement. Et c'est dommage parce que du coup, on pourrait en mettre beaucoup plus de la musique classique s'il n'y avait pas ce problème-là. Moi, honnêtement, la musique classique, là, tu vois, j'ai hésité avec le Requiem de Mozart aussi, mais ça aurait été un peu long à montrer. Puis, de toute façon, la toccata remportera toujours. Mais ça pourrait être un bon slogan, c'est la toccata remportera toujours. Mais Faire une sorte de slogan de super-héros, ce serait vachement bien. c'est ça. Bah, Pof avait la quiche Lorraine vaincra, si tu veux, donc moi, ça pourrait me correspondre, du coup. Parker-Lewis ne perd jamais, la toccata gagnera toujours. Mais tu vois, le Requiem de Mozart aussi, c'est quelque chose qui est presque universel. C'est-à-dire que de toute façon, vu le nombre de mouvements et vu les différences qu'il y a de l'un à l'autre, je pense que tout le monde va avoir un passage qui va lui parler, si tu veux. À défaut de vraiment lui plaire et vraiment le séduire, quoi. Mais il y a un morceau qui va du Requiem de Mozart qui va lui parler. Et ça, c'est d'ailleurs techniquement le Requiem de Mozart, le plus vieux morceau de musique classique que j'ai, enfin le premier que j'ai écouté. Vu que techniquement, j'étais pas encore né. Vu que, en fait, ma mère le chantait dans une chorale, alors que j'étais dans son ventre. Donc la musique classique, si tu veux, ça remonte à avant ma naissance, ma connaissance de la musique classique. Mais comment t'expliques son universalité? Bah déjà, je pense que c'est pas universel, je pense que c'est universel dans le monde occidental. Déjà, après le reste, je sais pas, hein, moi je me méfie toujours quand on parle d'universalité, quand nous, hommes blancs, parlons d'universalité. Mais je pense que c'est tout simplement parce que c'est la première fois qu'ils ont commencé vraiment à jouer, mais peut-être, tu vois, sans s'en apercevoir vraiment, et je pense que c'est comme ça que c'est là qu'il y avait vraiment le génie à l'époque. À jouer avec le côté appât et récompense, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu sens la musique, enfin les notes qui vont monter, tu t'attends à ce qu'après il y ait une conclusion, si tu veux. Tu sais, comme tu as un instant de suspense et la résolution de l'événement. Ben en fait, la musique, en faisant ça, elle va parler, je pense, aux instincts qu'on a en nous, si tu veux. Sur un mode de langage qui est très proche au final de la mise en scène. C'est avec le préparation-paiement, Oui. tu vois. Et je pense que c'est pour ça que c'est universel, parce que bah, on le ressent plus instinctivement que ce qu'on le ressent intellectuel, enfin qu'on le comprend intellectuellement. Je pense que c'est parce que c'est très basique, en fait, mais pas basique au sens c'est simple. Basique au sens, c'est nos instincts les plus basiques qui sont titillés par la musique. Parce que je pourrais dire juste parce que c'est classe, mais même si aussi je pense qu'il y a un petit côté. Enfin, le problème avec la musique classique aussi, c'est que quand tu dis que t'écoutes de la musique classique, tout le monde te prend pour un gros snob. Parce qu'il fait, ouais, c'est ça, la musique classique, c'est parce que tu veux te la péter, tout ça. Enfin, moi, je sais que c'était ça, en tout cas, quand j'ai eu le malheur de dire au collège que j'écoutais de la musique classique. Genre, ouais, je sais pas. Tu voulais plaire au prof de musique, c'est tout. Mais même pas en plus, parce que c'était même pas en cours de musique que j'avais sorti ça, quoi. C'était en récré, quoi. En cours de rien, du coup. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tu passes pour un gros snob quand tu dis que t'aimes bien la musique classique, alors qu'au final, tu sais, c'est pas. Maintenant, j'ai l'impression que les gens, ils relèguent ça au rang de vieillerie, tout en d'un autre côté, et c'est là le côté très bizarre, tout en considérant que ça, c'est de la vraie musique, tu vois. C'est. D'un côté, il y a. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ont mis ça au musée. Tu sais, la musique classique, j'ai l'impression qu'il y en a, ils considèrent ça comme étant une œuvre, comme tu peux avoir justement la Joconde dans le Louvre, quoi. Tu vas pas la mettre dans ton salon, la Joconde. Alors que je suis désolé, la musique classique, tu la mets dans ton salon, quoi. Justement, sur les bonnes enceintes, du bon vieil ampli, et sur un disque vinyle 33 tours. Ça a son charme, ça a son charme. Ah, je dis pas. Je dis pas que le son est meilleur sur un vinyle, loin de là. Mais ça, ce petit son chaud, sympathique, ça, cette imperfection qui fait que c'est parfait. Tu vois, c'est... Et je sais pas, j'ai là, justement, pas le week-end dernier, c'était celui d'avant, où justement tu disais que je trichais parce que sur Twitter, j'avais envoyé des photos de vinyle que j'avais retrouvé chez mon père. Et à chaque fois que je vais chez mon père, j'ai ce réflexe de forcément refouiller dans les vinyles et d'avoir le plaisir de mettre cette grande galette, si tu veux, sur le truc, et de venir mettre la petite, le petit diamant sur le petit disque. Et il y a ce petit plaisir, si tu veux. Et je pense que pour moi, la musique, c'est à ce niveau-là, si tu veux. Je sais que c'est pas un truc qui est actuel, je sais, mais c'est pas, tu vois, c'est pas de l'universalité, ça paraît tellement naturel, si tu veux, à ce niveau-là. Ça me paraît plus naturel, moi, pour moi, si tu veux, de mettre le diamant sur le vinyle que de lancer un MP3 sur AirPlay sur le hi-fi de mon père, alors qu'il a une borne AirPlay sur sa hi-fi, si tu veux. Quelle bande de snobs, c'est incroyable. Quoi. Mais non, mais c'est très pratique parce que il a son MacBook et puis il écoute des podcasts comme ça en balançant depuis iTunes. Bon, il écoute des podcasts de radio, mais il écoute des podcasts déjà bien. Tu n'es pas intégriste du podcast? Non, pas vraiment. Plus maintenant, en fait, parce que je commence à écouter moi aussi des podcasts de radio. Quelques-uns, pas tous. J'écoute quand même majoritairement, hein, faut pas déconner, des podcasts d'indépendants. Pour la simple et bonne raison que bah, y en a tellement. Mais y en a quand même 2-3 que j'écoute. D'ailleurs, je peux les citer. J'espère que tu n'écoutes pas Nicolas. Tu n'écoutes pas Nicolas Canteloup comme. Non, j'ai dit j'écoutais des bons podcasts de radio. Merci. Non, j'écoute Affaires Sensibles et Concordance des Temps. Très bien, ça, Affaires Sensibles. Qui sont deux podcasts qui sont vraiment sympathiques parce que ils te permettent de mettre les choses en perspective. Affaires Sensibles à mettre pas exactement les choses en perspective dans le podcast, mais le fait de les écouter met les choses en perspective au sens que je vais pouvoir enfin comprendre quelque chose que j'avais vaguement vu passer dans l'actualité et que j'avais pas suivi. Ou quelque chose qui était passé dans l'actualité au début de l'affaire et où finalement la fin était si inintéressante que plus personne n'en a parlé, puis finalement nous-mêmes on avait oublié qu'il y avait eu cette affaire. Je vais donner l'exemple d'un épisode récent où c'était l'espionnage industriel chinois chez Renault. Je sais pas si tu te rappelles de cette affaire où il y avait soi-disant des espions chinois chez Renault. Bon, c'était en 2011 de mémoire. C'était il y a pas si longtemps que ça au final. Et j'en avais entendu parler, on avait fait des vannes avec les collègues, surtout que ma collègue est asiatique, vietnamienne hein, du coup, mais bon du coup, c'est, du moment que ça a les yeux bridés, ça vanne. Et du coup, le truc, c'est que le fin mot de l'histoire, on l'a pas eu. Parce qu'on l'avait pas suivi, parce qu'on s'y était pas intéressé, ou parce que ça avait pas fait finalement si grand bruit que ça. Et c'est finalement en écoutant Affaires Sensibles que j'ai pu avoir l'affaire dans son globalité, quoi. Dans sa globalité. Putain, je suis fatigué. Et d'ailleurs, je vais vous conseiller un autre épisode, c'est l'histoire cachée de la bombe H française. Ouais, il était bien. Était très très bien. Il était énorme. Mais il y en a plein des bons. Honnêtement, je dirais que pour 5 épisodes, il doit bien avoir 2 de bons, quoi. Ce qui est quand même un très bon ratio, quoi. Et après, il y en a 3 autres qui sont intéressants. Mais voilà, tu passes un bon moment à l'écouter, mais sans plus. Et ils ont remplacé pourtant, c'est dommage qu'ils aient. C'est une bonne émission qui remplace Rendez-vous avec X, qui était très très bien aussi. Franchement, je le préfère à Rendez-vous avec X. Je le trouve plus. Comment dire. Plus travaillé dans sa mise en scène. Tu vois, c'est de la fiction audio d'actualité. Je sais pas trop comment le. Pas vraiment d'actu, c'est vraiment du documentaire. Mais non, parce qu'il y a une certaine mise en scène, t'as de la musique, t'as une mise en ambiance, en fait. Donc pour moi, il y a vraiment un récit qui est fait avec un narrateur. On est très proche des sagas MP3, en fait, dans Affaires Sensibles. Et je crois qu'on s'éloigne un petit peu de, on s'éloigne un de petit la peu, musique je voulais, classique. Je voulais quand même parler de Concordance des Temps, très rapidement. En fait, là, c'est un peu plus fouillé encore que Affaires Sensibles, et je crois d'ailleurs que c'est un podcast de France Culture, et où, en fait, ils vont prendre un fait ou un comportement Je sais pas, l'exemple que je vais citer, il date un peu, mais ça explique bien. C'était par exemple les Allemands et leur monnaie. On a toujours entendu que les Allemands et le Deutschmark, c'était hyper soudés. L'un n'allait pas sans l'autre. Et ça, c'est vrai que je l'ai toujours entendu dire, etc., quand j'étais gamin, bah, quand il n'y avait pas l'euro, quoi. Et surtout, je l'avais entendu au passage à l'euro. Et j'avais jamais su vraiment pourquoi, je m'étais pas trop intéressé. Et finalement, là, ils vont t'expliquer toute l'histoire du Deutschmark et l'histoire du peuple allemand aussi en même temps. Et là, du coup, justement, ça prend de la perspective. Tu vois, ça prend du corps, tu comprends un peu mieux. Et là, franchement, c'est un peu plus long. C'est sous la forme plus d'une discussion avec un expert, mais ça s'écoute bien, honnêtement. Ça, c'est le truc idéal quand je suis en train de bricoler. Quand je suis en train de conduire, j'écoute d'autres choses, mais quand je suis en train de bricoler, celui-là, il marche bien. C'est un très bon truc parce que justement, c'est long et tu peux te laisser porter par les paroles. T'es vraiment pas Tu écoutes des gens qui discutent à côté de toi, quoi. Tu vois, c'est un peu la base de beaucoup de podcasts, certes, mais il y a cette simplicité qu'on retrouve dans le podcast, justement. Donc pour moi, c'est un podcast de radio, vraiment. C'est pas juste du replay, quoi. Voilà, mais revenons sur notre sujet, parce qu'à la base, on est censé parler de musique. Mais tu sais que moi, si on commence à parler de podcast, on risque de durer très longtemps. Ah bon? Bizarrement. C'est étrange. Ouais, c'est étrange. C'est comme si c'était un peu ma passion dans la vie, le comme podcast. Si c'était un petit peu ton truc. C'est ouais. Bizarre, hein. Je sais pas, c'est comme un doute. Pas. Ouais, c'est chelou, quand même. Je effacerai tout ce qui vient de se dire au montage, on va gagner au moins une demi-heure. Enfoiré. Je viens d'apprendre l'existence d'une chose absolument magnifique. Ça s'appelle Bugs Bunny at the Symphony. En fait, dans une grande salle de concert, c'était organisé pour les 25 ans d'une salle de spectacle. Sont projetés les dessins animés de Bugs Bunny où sont utilisées la musique classique derrière dans le fond. Et tout est repris par un orchestre en même temps, un peu comme les Video Games Live. Mais ah, avec putain, les. C'est génial. Bon, je mettrai les liens qui vont bien. Et surtout, c'est hilarant. Ça marche tellement bien, Bugs Bunny. Bah, d'ailleurs, si dans la même veine, tu as aussi le. Je sais pas si tu connais Doctor Who, parce que. Oui, les Doctor Who Proms. Voilà. Justement, quand ils avaient repris les musiques des saisons 1 à 3, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Bah, c'était quand il y avait. Jusqu'à ce qu'il y ait plus Tennant, de mémoire. Oui, donc et 1 à 4. 1 à 4, du coup. De mémoire. Et attends. Un doute. J'ai un doute, je sais plus si c'était après le départ de Martha Jones ou après le départ de Tennant, je ne sais plus. Mais où justement, il y a tout l'orchestre qui va jouer des musiques de Doctor Who. Et là aussi, tu vois, je disais John Williams, c'est de la musique classique. Là aussi, je me souviens plus le gars qui fait les musiques de Doctor Who. Mais là aussi, on est sur de la musique classique. Sauf que maintenant, on appelle ça des bandes originales de films. Mais la musique classique, tu vois, elle n'a pas disparu. Elle a toujours cette narration, en fait. C'est la force qu'on utilise en ce moment, j'ai envie de dire, c'est la narration dans les BO de films. Murray Gold. Voilà, je l'ai retrouvé. Murray Gold. J'avais Bill Murray qui venait. Et je me disais, c'est trop pas lui, parce que c'est Bill Murray, non, c'est Ghostbusters. Il est aussi fou qu'un docteur. Je me demande s'il ferait un bon docteur, Bill Murray, d'ailleurs. C'est une bonne question. Ça pourrait faire un très ça bon docteur. Ça serait rigolo, ouais. Ça serait très fun. Mais en même temps, il me fait penser un peu à un docteur qui était déjà celui qui avait les... Putain, j'ai vraiment pas les noms qui me reviennent. Celui qui avait l'écharpe de toutes les couleurs. Pof pourrait me tuer pour pas me rappeler de son nom. Mais, oh, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Tom Baker. Oui, il y a des chances. L'écharpe de toutes les couleurs. Et je pense que ça donnerait un docteur un petit peu comme ça. Un petit peu foufou, mais tu sais, un petit peu excentrique. Mais un peu triste un peu... en même temps. Il y a voilà, ce côté. Ah ben Bill Murray, c'est le clown aux yeux tristes, hein, clairement. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Un jour sans fin, il est parfait pour le rôle. Quoi. Et dans Lost in Translation, il est parfait aussi. Aussi. Mais je crois que c'est le genre de mec, il s'invite dans les mariages, il fait un photobombe et il se casse. Juste pour dire, personne ne vous croira de toute façon. J'avoue. On divague, on va passer peut-être à la suite quand même. Alors la suite, je peux te l'introduire si tu veux. Pas non. Trop fort. Non. Je te l'introduis pas la suite? Non, j'ai une idée d'introduction, mais on va la faire tous les deux. Parce que je crois que c'est Musica qui nous avait déjà parlé de cet artiste-là. Et je pense que je ferai un hors-série sur elle, un de ces quatre, ce serait vraiment bien. Ah, mais je serai client. Tu viendras. Non, non, je serai client. J'ai pas dit que je serai acteur. Tu viendras, c'est tout. Donc, non, je t'en prie, vas-y, explique-nous. Alors, forcément, tu t'en doutes que j'étais obligé, en tant que feel good, de prendre une musique qui fait feel good dedans. Pourquoi? Parce que déjà, mon pseudo, à la base, il vient d'une musique. Je crois que j'ai déjà raconté d'où venait mon pseudo, mais je le raconte pour les 2-3 qui ne me connaîtraient pas. J'ai l'impression de me la péter en disant ça, mais le problème, c'est que je suis tellement proche de la réalité. Et là, je me la pète doublement, tu vois. Quel homme formidable. Mes blagues à part, non, c'est juste que dans ton auditoire, il y a énormément de potes, je pense. Et donc, en fait, ça venait que quand je jouais à Counter-Strike à l'époque, dans la salle de LAN, pas le cybercafé, parce que c'était vraiment pour jouer, ils avaient rajouté un petit mode à Counter-Strike où, quand on gagnait le match, ou quand on faisait un tir à la tête, on avait la possibilité d'avoir un petit clip en wave. Enfin, je crois que c'était d'une dizaine de secondes maximum, parce que je crois que 30 secondes, ça aurait été un peu long. Et donc, du coup, on pouvait mettre ce qu'on voulait, on pouvait arriver avec son wave et l'associer à son compte. Et le truc, c'est que du coup, bah, au début, je m'appelais Psychopathe, et puis je me suis dit, quelle est la musique que je pourrais mettre pour ça? Et ça m'est venu comme une évidence, c'était de mettre le Oh, I feel good, nanana, et ça s'arrêtait là. Et du coup, bah, en conséquence, bah, Feel Good, ça me plaisait bien. Et puis, comme j'aime bien les jeux de mots à 2 balles, tout ça, et les monsieur et madame, d'où mon pseudo. Et c'est pour ça qu'il y a un underscore auquel je tiens beaucoup dans mon pseudo, parce que dans Counter-Strike, on ne peut pas mettre d'espace. Et donc, du coup, il fallait bien un truc qui Psychorigide. sépare le feel. Le... Quoi? Psychorigide. Non, c'était psychopathe avant, t'as pas suivi. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, ça vient bien d'une musique. Mon pseudo, mais ça vient de Feel Good c'est I Feel Good d'ailleurs, de James Brown. Mais j'allais pas choisir celle de James Brown parce que ça aurait été bien trop évident. Et très honnêtement, à force de l'avoir écoutée en boucle parce que j'étais pas si mauvais que ça, j'ai fini par m'en dégoûter et surtout elle est tombée dans mon estime au moment où tout le monde me l'a chantée après la sortie d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Du coup, bah, au final, je suis parti après pour la quête de la meilleure musique pour aller avec mon pseudo, quoi. Pour remplacer l'original. Il y a bien eu Feel Good Incorporated de Gorillaz qui, pendant un temps, a tenu le haut du score, mais au final, celle qui dure le plus dans le temps, c'est Feeling Good, et précisément la version de Nina Simone, pas celle de Muse. Même celle de Muse pendant un temps, mais donc du coup on va s'écouter la version de Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. Alors Nina Simone, grande dame. And I'm feeling good. Un petit côté James Bond bien classique. Il y a un petit côté, j'ai envie de faire un striptease sur cette musique. Non. Je vais être très honnête. Si, attends, c'est pile la bonne instru pour et tout, quoi. D'ailleurs, faut le savoir que j'enregistre en slip. Non, c'est pas vrai. Tous les bons podcasts s'enregistrent en slip. Salutations au slip de Patrick Béja. Non, mais cette musique, elle est juste énorme pour quand... Tu vois, imagine, t'as juste un peu le moral dans les chaussettes, d'accord? Pas le gros blues, d'accord? Mais juste, tu vois, c'est le matin, t'as une tête dans le cul monumentale. T'as pas envie d'aller au boulot. Parce que il pleut dehors, d'accord? Et ben, cette chanson, et ben au final, elle te redonne espoir en la vie. Je suis désolé, c'est déjà outre le rythme qui tu vois, tu sais, c'est tout doucement, puis après, t'as un rythme de marche en fait. Le fameux. C'est vraiment, allez, tu mets un pied devant l'autre et tu vas la faire ta journée, ça ira très bien. Et si t'écoutes les paroles, au final, elles sont. C'est les paroles du renouveau, du ça ira mieux. Parce que c'est les oiseaux volent haut, tu sais comme je me sens, Tu vois, déjà, tu vois, je regarde autour et finalement ça va. Et c'est une nouvelle aube, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle vie pour moi et je me sens bien. Et tu vois, et ce vieux monde est un nouveau monde et un mode audacieux pour moi. C'est-à-dire, c'est vraiment une chanson un peu carpe diem, tu vois. Et très honnêtement, je dis pas que tous les matins c'est dur, mais il y a beaucoup de matins où c'est très dur de se lever pour se dire, putain, je vais devoir affronter la journée, je vais devoir discuter avec mes collègues, j'ai pas envie, je préférerais rester dans mon lit ou rester dans mon bureau, enfin dans mon bureau chez moi, pas dans mon bureau au bureau, et à faire des choses qui peut-être me plairaient plus, tu vois, et cette chanson là, tu vois, bah, si je me la mets le matin, et ben je peux être dans les bouchons, ça va d'un coup mieux, si tu veux. Donc c'est vraiment la chanson qui me permet d'être feel good. Oui, parce que je suis pas feel good naturellement, il faut le savoir. T'es plutôt grognon d'habitude. Ah, je suis plus que grognon. C'est ça. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une chanson qui définit bien le personnage de feel good. Qui me permet de revenir dans ce personnage que j'aime tant. Mais tu as continué à écouter un peu Nina Simone, autre que ce un peu cette bande originale de ton pseudo. Sinorman éventuellement. Mais il y en a très peu de Nina Simone que je connais, si tu veux. C'est vraiment celle-là, mais parce que sa voix aussi est parfaite pour cette musique, parce que elle a la voix un petit peu éraillée d'un fil qui se lève le matin. Mais d'ailleurs, ce que je ne savais pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait, je pensais que la version de Nina Simone, c'était la version originale. Et en fait, absolument pas. Ça vient d'une comédie musicale de mémoire. Je crois que je te l'avais mis dans les notes d'ailleurs, parce que je t'ai arrivé à retrouver la source. On me l'avait dit. Parce que je l'ai pas découvert tout seul, on me l'avait dit. Et finalement, je crois que je t'ai mis le lien dans le truc. Donc ça vient de la comédie musicale The Roar and the Grease Paint, pardon. Donc apparemment le rugissement et la peinture graisseuse, c'est très chelou. Mais du coup, on peut la trouver sur YouTube si vous voulez. Hein, vous cherchez comédie musicale et puis Feeling Good. Et en fait, c'est une version qui est très très minimaliste, où c'est vraiment juste un mec qui chante. Tu peux pas la mettre, t'as pas YouTube sous la main. Mais si, je vais la mettre après. Ah, au montage. Donc là, on va imaginer qu'elle est en arrière-plan. Et donc là, cette version-là, elle est beaucoup plus minimaliste. Mais tu vois, encore une fois. C'est une reprise que je préfère à l'original, tu vois. C'est vraiment cette version là. Je suis très chiant sur cette version là en fait, mais pour moi à un moment c'est pas forcément l'original qui est mieux que les reprises. Il y en a beaucoup qui font ouais non mais attends t'as pas écouté la version originale. Bah si, il y a plein de fois où je l'ai écouté et où cet artiste là qui a sublimé la musique et là Nina Simone a sublimé Feeling Good. Elle fait vivre cette chanson en fait. Et c'est pour ça que la version de Muse me plaît moins, parce que il manque ce côté un peu écorché, si tu veux. Parce que la voix de Nina Simone, elle est si particulière que justement tu sens un personnage un peu corné par écorné ou écorché, je sais pas, mais bref, qui a pris cher. Abîmé. Oui, abîmé. Voilà, tu sens ce personnage un peu abîmé derrière. Tu ressens vraiment ce que la chanson raconte, quoi. C'est vraiment d'aller de l'avant, de ne pas se laisser abattre, de se dire allez, aujourd'hui ça sera pas la même merde qu'hier. Et surtout que honnêtement, vu la société de merde dans laquelle on vit en ce moment, hein, d'accord, où 2016 est pire que 2015, où on se disait putain vivement 2016, j'ose pas imaginer la gueule de 2017, mais honnêtement ça s'annonce bien. C'est avec des chansons comme ça, tu vois, que tu as envie de te lever le matin. Ou en tout cas, que tu continues à te lever, parce que sinon... Mais non, tu te lèves aussi pour faire du podcast. Quoique, un concept de podcast allongé, à la romaine, ce serait tellement bien. Eh ben écoute, justement, là, je suis semi-allongé, tel un romain, dans ma méridienne, en train d'enregistrer la playlist. J'imagine des orgies podcastiques. Et au lieu de la bouffe, il y a des micros et on est tous allongés. Ce serait tellement bien. Un jour, il faudra que je lance un concept... où les gens viennent enregistrer en se mettant dans mon lit sous la couette à côté de moi. Oh, ça s'est déjà fait à la télé, je crois. Je crois que ça s'est fait en télé, ouais. Ça me dit quelque chose, ce concept. Oui, il fallait une animatrice un peu bonne, et puis voilà. Mais non, mais justement, là, ça serait moi, du coup. Ça serait pas une animatrice un peu bonne. Ça pourrait s'appeler Sous la couette. Mais je pense que ça a dû effectivement exister parce que ça me dit quelque chose, ce concept. Donc, bande originale de pseudo, Feeling Good, tu comptes pas en changer? Ben, je sais pas, parce que celle-là, ça fait un petit peu. Putain, ça doit faire 10 ans que c'est la bande originale de mon pseudo maintenant. Sachant que ce pseudo a. Ben, c'est facile à calculer. On est en 2016, donc il va bientôt avoir 16 ans. Alors, faut savoir quand même que cette version-là, d'ailleurs, au passage, j'avais vu et ça m'a rendu un peu triste en un sens. Elle a été reprise par les Pussycat Dolls et Alicia Keys. Je trouve ça triste. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle a été reprise par John Barrowman. C'est l'acteur qui joue le Capitaine Jack Harkness Oui. dans Doctor Who. Et c'est vrai qu'il fait une bonne version, mais encore une fois, comme Muse, il fait une version trop joyeuse. Et ça, à mon sens, c'est une faute sur celle-là. Il faut c'est la version de Feeling Good, elle doit pas être trop joyeuse. Si elle est trop joyeuse, tu casses le sens même de la chanson. Et à mon avis, j'ai pas osé écouter la version des Pussycat Dolls. Très honnêtement, j'aime bien me faire mal, si tu veux, mais pas à ce point-là. Mais honnêtement, elle me donnait pas envie. Mais la version de Muse, je l'ai abattue tout à l'heure, mais je l'écoute, elle est sympathique. Mais c'est pas la vraie version. Pour moi. C'est vraiment la version de Nina Simone. Alors, vous connaissez cette magnifique règle de l'Internet qui veut dire qu'il existe une version dubstep de tout et n'importe quoi. Il y a une Et on va version de. l'écouter de suite. Non. Non. J'ai déjà eu une fois la dubstep à l'épisode précédent, faut pas déconner non plus. Culé, va. Le Milou, je me vengerai. D'ailleurs, Ouais, t'es c'était très vendredi, bien. il n'a pas tweeté machin comme il faisait. Il n'a pas dit tweeter, c'est le week-end. Petite bite. Ouais, c'est vrai. Je suis Mais extrêmement déçu. on reparlera du week-end tout à Petite bite. l'heure. On va donc passer au titre suivant. Je continue à raconter des insanités, mais elles sont réelles, elles sont pas virtuelles. On va pouvoir écouter Oula. Jamiroquai avec Virtual Insanity. Je crois que c'est Oasis qui en avait parlé dans sa playlist aussi d'ailleurs. C'est très possible. Non, Pourtant, elle c'était est très peut-être connue. Laurent Doucet, je crois. Non, Arnaud, Arnaud. Pourtant, elle est particulièrement connue. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give. Place de clip avec le sol qui bouge. Le clip est aussi monumental que la chanson. Ce mec-là, je sais pas comment il fait, mais il est smooth. Ah, mais c'est clair. Mais hey, tu sais qu'il y a un jeu qui est sorti sur Steam de mémoire où c'est justement le Virtual Insanity Simulator où tu dois éviter les canapés sur cette musique. Cherchez sur YouTube parce que vous le trouverez forcément, le Virtual Insanity Game ou je sais pas trop quoi. Et c'est juste à mourir de rire. Le mec qui a eu cette idée-là, il mérite un cookie, comme on dit, quoi. Surtout qu'il y a un mec, il s'est dit un jour, il s'est levé un matin, ça s'appelle et il s'est Virtual dit... Inanity Jamiroquai Game. Voilà, c'est énorme. Il y a le mec qui s'est levé, et il s'est dit, tiens, aujourd'hui, je vais refaire le clip de Virtual Insanity en jeu. C'est juste énorme. Mais c'est vrai que ce clip-là, alors je vais vous casser de suite, en fait, c'est la pièce qui bouge. Les canapés sont posés. Quand j'étais petit, je pensais que c'était un tapis roulant. Et pendant pas mal d'années, quand je dis que j'étais petit, j'étais ado ou pré-ado, je me disais comment ils ont fait. Alors, est-ce que le sol, en fait, c'est un grand tapis roulant? Mais dans ce cas-là, le problème, c'est comment ils font quand ça part un petit peu en diagonale? Tu sais, ils me rendaient fou. Bah, Je me sur disais des roulettes avec des gens qui bougent en dessous, quoi. comment ils l'ont fait? Et c'est en fait, voilà, encore une fois récemment, mais ça doit faire 10-15 ans peut-être, que j'avais lu que, bah non, en fait, c'est les trois murs qu'on voit qui bougent sur un sol qui est fixe. Et qu'on peut le voir d'ailleurs parce qu'on voit les murs qui oscillent un petit peu si on est attentif dans le clip. Casse pas mon rêve d'enfance, s'il te plaît. Cette musique, elle est... C'est bizarrement une musique réac, hein, parce qu'il faut être honnête, les paroles, c'est aujourd'hui semble toujours être gouverné par cet amour que nous avons pour l'inutile, le sinueux, cette nouvelle technologie. Alors bizarrement pour un geek comme moi, j'aime pas me traiter de geek, mais c'est le plus simple, pour un fan de technologie comme moi et d'informatique et de tout ce que tu veux, ça peut paraître assez bizarre que j'adore Virtual Insanity qui justement dénonce le progrès à outrance et dénonce justement des choses qui paraissent être contre nature. C'est vrai quand il dit et maintenant une mère peut choisir la couleur de son enfant. Je sais plus exactement ce que c'est les paroles à ce moment-là, parce que j'ai un peu du mal avec la musique derrière. Mais ça peut paraître très réac, ça peut paraître être très très arriériste, si tu veux, très presque manif pour tous, tu vois. Oui, non, mais c'est pour ça. Je vais dans la caricature pour expliquer un propos, mais au final, cette chanson, je la garde en tête en permanence quand je vois une nouvelle news, une nouvelle technologie super sympa. Bizarrement, tu vois, elle est toujours dans un coin de ma tête où je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas un côté négatif à cette technologie ? Tu vois, donc, elle m'a marqué dans tous les sens du terme. Elle m'a marqué musicalement parce que c'est une référence pour moi. C'était, tu vois, quand je te disais avant l'enregistrement que j'avais commencé avec 3-4 musiques qui me paraissaient évidentes, puis pour mettre les autres, le problème, c'est que j'augmentais la barre et du coup, je me retrouvais avec 45. Et bien, celle-là, elle était... avant que j'augmente la barre. Elle était dans ces 4-5 qui étaient évidentes. Sans compter en plus que c'est un très bon exercice de diction en anglais. Si t'arrives à chanter Virtual Insanity, a priori, tu peux le faire les doigts dans le pif. Hein. Je m'en servais d'entraînement avant mes oraux d'anglais quand j'étais en prépa. Pour me délier la langue. Oui. Et passer en mode anglais. Parce que, tu vois, tu disais qu'il était très smooth quand il... Quand il est dans le clip là, quand il danse entre les différents canapés qui essaient de le tuer, mais aussi dans sa diction, dans son flow, il est aussi très smooth. C'est vraiment un vrai flow qui passe tout seul. Alors que honnêtement, à chanter, elle est technique. Hein. Elle est très très technique. Et même moi, à l'heure actuelle, il y a des passages que j'y arrive toujours pas. Hein, alors que ça fait un petit moment que je la chante, mais. Et j'ai du mal d'ailleurs à l'écouter sans chantonner par-dessus. C'est non, ce sera... un peu comme un défi, si tu veux. Non, mais je crois que tu as cette capacité incroyable d'être le sosie français d'Adrien Monk. Tu es ce côté à la fois psychorigide, mais vraiment attaché à quelque chose jusqu'au quart de poil. C'est ça. C'est terrible. Mais du coup, ça sera... un jour, j'arriverai à la chanter correctement, peut-être. Mais tu vois, pour moi, chanter Virtual Insanity, c'est le même plaisir que j'ai de jouer un instrument. Même si c'est pas parfait, je sais que je suis en train de m'améliorer en le faisant. Je retrouve un peu bizarrement les mêmes sensations que quand je jouais du sax, au final. Parce que faut être honnête, le sax, j'en ai jamais super bien joué. Et même maintenant, quand j'en refais, j'en joue du coup forcément beaucoup moins bien qu'à l'époque déjà. Mais je me fais plaisir, même si c'est pas parfait, même si je me chie, ça reste un plaisir. Et là, c'est pareil, on est sur ce plaisir à la chanter. Et elle a, je sais pas, elle a ce côté. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, pour la version de Muse qu'elle était joyeuse. Si tu regardes Virtual Insanity, tu l'écoutes, tu connais pas les paroles, t'as l'impression que c'est une musique qui va te mettre de bonne humeur, qui est positive. Oui. Et en fait, quand t'écoutes les paroles, c'est une dénonciation de tout ce qui va mal dans notre monde. Et j'aime bien justement ces musiques-là où elles ont pris du sens avec le temps et avec l'âge que j'ai pris, avec la compréhension que j'ai eue de cette musique. C'est des musiques qui se découvrent par couches. Si tu veux, t'as la couche musicale, t'as la couche des paroles, et après t'as presque la couche de j'ai envie de dire d'intégration des paroles dans ta conscience, si tu veux. T'as un niveau de compréhension supplémentaire. Voilà, c'est ça. T'as le niveau où les paroles, tu en as fait ton credo, parce qu'il faut pas déconner, mais elles ont fini par t'influencer. Et pour moi, Virtual Insanity, c'est vraiment ça, quoi. C'est la chanson qui me permet de garder un œil critique sur un monde qui est fascinant, mais dans lequel on peut facilement se laisser emporter dans le côté brillant des nouvelles technologies qui sortent, si tu veux. Quand par exemple, on va pas faire un sujet technologique, hein, je te rassure, on va pas faire une Non, chronique c'est tech du jeudi prochain. professeur Phil, mais tu vois, quand je vois tous les objets connectés, je me dis, ouais, c'est génial, et en même temps, je me dis, putain, mais on est en train de s'auto-surveiller, quoi. Et en plus, quand je vois que c'est capable de faire des attaques DDoS, parce que c'est mal configuré, c'est une autre question, mais voilà, tu vois, ces chansons-là qui m'ont vraiment marqué au plus profond de moi, quoi. Alors, j'ai une question existentielle. Combien de canapés as-tu chez toi? Eh bien, écoute, j'en ai deux. J'en ai deux. Ouah, donc Mais t'arrives à les esquiver en fait. bah, surtout que j'en ai un dans le salon et l'autre, c'est une plus ou moins une méridienne et je suis dedans. Donc, du coup, ouais, ça va, je les esquive assez simplement. Ils sont dans deux pièces différentes. C'est plus dur d'esquiver mes chats, si tu veux, quoi. À la limite. Ah, ça serait intéressant, un clip de Virtual Insanity avec des chats. C'est pas con, ça. Jamiroquai. Eh, d'ailleurs, en parlant de Jamiroquai, tu sais que pendant très longtemps, je pensais que Jamiroquai, c'était le nom du chanteur. Oui, bah j'ai cru aussi. Ben non, en fait, c'est le nom du groupe Jamiroquai. C'est Oui. JJ, le nom du chanteur. J'aurais pensé en Alsace entre Jamiroquai. Ouf. Jamiroquai, comme ça, en Alsace. Pour éviter les chats. Ah oui, ça peut être trop bien. J'ai une bonne idée. J'ai fait un podcast en alsacien. C'est pas grave. Oh mon Dieu, Si, ça va être c'est une terrible. très bonne idée. Mais tu l'as connu à quelle époque, ce titre-là? Oh putain, j'ai dû le connaître quasiment à sa sortie parce que déjà j'écoutais beaucoup la radio au milieu des années 90. Vu que j'ai eu ma première chaîne Mifi que j'avais dans ma chambre, je l'ai eu en 94. Et ça, c'est sorti, bah, attends, je regarde mes notes, sorti en 96 en single. J'avais, tu sais, ces boombox hi-fi qui se font encore d'ailleurs, où tu as la cassette devant et puis tu as le CD dessus, et tu as deux haut-parleurs qui sont accolés, c'est en une seule boîte, quoi. Et puis après, tu as la partie tuner. Toi, le classique, quoi, Oui. le radio cassette, quoi. Et bah donc, du coup, j'en ai eu un, et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter énormément la radio pour m'endormir le soir, pour m'occuper dans mes activités. C'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à acheter mes propres CD pour pouvoir les mettre dans ma chaîne. Alors, évidemment, à l'époque des singles, hein, parce que j'avais pas les sous pour m'acheter les albums, et que même après coup, même quand j'avais assez de thunes pour m'acheter des albums, je préférais m'acheter plus de singles que des albums complets. Et donc, du coup, ça, le Virtual Insanity, ça doit être dans vraiment les premiers singles que je me suis acheté, quoi. Tu vois, au final, c'est des singles que je me suis achetés et que je sais qu'ils sont quelque part dans un carton parce que je les ai gardés. Il doit y avoir l'Empire du côté obscur Ah oui. avec le remix qui avait été interdit en radio parce qu'il y a en fait la marche impériale en Oui. arrière-plan en sample et Virtual Insanity de Jamiroquai. C'est vraiment, pour moi, c'est emblématique à ce point-là. D'ailleurs, j'ai pas mis Dayam dans cette liste-là parce que, encore une fois, ça me paraissait évident et j'avais trop de mal à choisir dedans. Mais Tente de m'arnaquer là. ouais, je sais. Donc, du coup, on va pas en parler plus, mais c'est vrai que j'aurais pu en parler. Voilà, j'en parlerai pas du coup. Et tu as eu cette époque radio pour t'endormir? Ah, évidemment, j'ai eu cette période où, en plus, ça m'a permis de me taper des bonnes grosses insomnies et de perdre bien une heure de sommeil parce que j'écoutais les émissions du soir, les fameuses émissions du soir où les gens appelaient et parlaient de leurs problèmes. Oh mon Dieu! Et n'empêche que, sans déconner, je pense que c'est ce genre d'émission qui a dû peut-être nous influencer à faire du podcast. Parce que je sais que Ah, c'est ce genre peut-être. d'émission qui m'a au final donné envie, parce que je me disais, ça n'a pas l'air si difficile que ça à faire, qui m'a donné envie de faire des fausses émissions avec ma sœur et puis avec mes cousins, qu'on enregistrait à l'époque justement avec des radiocassettes qui avaient un micro intégré, et qui ensuite m'ont permis de me mettre au podcast parce que c'était la même chose que ce qu'on faisait avec les cassettes pour déconner, sauf que c'était pas des fausses émissions, c'était des vraies émissions. D'ailleurs, vu qu'on parle de fausses émissions, ça me fait penser. J'ai écouté le Quoi qui se passe de Azertov, de l'after Podren. Je sais pas si tu l'as écouté Pas déjà, encore, pas non. encore. Je te conseille de l'écouter. Et à un moment, donc, il y a, y a, Ah putain, j'ai Nemo et David qui disent ouais pour Podren c'est enfin pour la Podjam c'est triste, ils font des sketchs plutôt que de faire des vraies émissions. Nous on aurait préféré qu'ils fassent des vraies émissions parce que bon bah au final on fait du podcast. Et j'ai l'impression que quand on sait pas quoi faire, quand on n'a pas de sujet, quand on n'est pas à l'aise, on a ce réflexe de faire des fausses émissions. Et je pense que c'est parce que c'était ce sur quoi on a commencé en fait. On a commencé à faire ces fausses émissions où on imaginait des personnages, où on imaginait des trucs parce que c'était plus simple que de sortir des vrais sujets, quoi. Mais de toute façon, quand t'écoutes quelqu'un et que tu te dis, je pourrais faire presque aussi bien, ou voire même je pourrais faire mieux, ça marche. Regarde la preuve, regarde combien il y en a qui veulent être candidats de télé-réalité. Au final, nous, on a été élevés à la sauce Max ou à la sauce, je ne sais pas trop qui y avait le soir. Parce que là, à part Max, j'en ai pas d'autres. DiFool aussi, pour certains. On a écouté, on s'est dit, putain, on peut faire des émissions, quoi. Ça va, si eux, ils en sont capables, ça n'a pas l'air si difficile. Et du coup, ça nous a donné envie. Mais on en reparlera un peu plus tard, tout à l'heure, quand on parlera d'une autre musique. Tout à l'heure, donc 3h30, longtemps qu'on pense au titre suivant. C'est ça, passons au titre suivant et passons presque. On va encore parler de film, bizarrement. C'est étrange. C'est étrange. J'aurais dû faire un truc chez Oasis en fait, hein. Je me suis Ouais, je trompé de crois aussi, podcast. ouais. Bah oui, 99, je crois. Matrix, Club to Death, de Rob Dogan, la version pure pure de Matrix, celle-là. Quand tu te balades dans la rue, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Des charpentiers, des architectes, des... Je Est-ce que vois tu vois rien, j'ai cette des dame grosses en robe lunettes et un rouge? manteau en cuir. Et je suis très très gêné quand je marche, ça fait du bruit. Cette scène, elle est absolument monumentale dans Matrix, justement, parce que bon, je crois que c'est la scène justement qui te fait réaliser que tu peux pas savoir si t'es dans la Matrice ou pas. Que tu peux être que les et qui te fait te déconnecter des gens qu'il y a autour de toi parce que tu dis oui les autres en fait ils peuvent être dans la matrice sans le savoir tu vois c'est à mon sens dans cette scène-là que le film Matrix commence à prendre aussi de la vitesse si tu veux c'est vrai que le début du film il est très lent tu sais pas de quoi ça parle. La première fois que j'ai regardé Matrix, honnêtement, hein, j'ai passé les 15 premières minutes en mode Ok, bon, on est parti pour regarder un film d'arrêt d'essai, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air chiant, mais on va lui laisser sa chance. Et là, justement, dans cette scène-là, elle est mémorable parce que elle résume en une scène le film. En fait, si quelqu'un n'a pas vu Matrix et s'il fait partie des 10 personnes dans le monde qui n'ont pas vu Matrix, tu peux lui faire regarder cette scène-là, et ça lui donnera envie de voir le film parce que justement bah, ça résume toute la problématique. Et ça résume aussi la désorientation dans laquelle tu te trouves à la sortie du film aussi. Où tu te retrouves à te dire bon, ok, alors finalement, est-ce que je suis dans la matrice ou est-ce que c'était juste un film, quoi? Et surtout que je l'ai regardé, c'était en 99, j'avais du coup j'avais 16 ans. Non, quelque chose comme ça. Ah oui, ça tombe pile bien au bon moment, quoi. Ouais, attends, j'avais quel âge du coup en 99? Sachant que je suis né en 85, je vais sortir la Bah, tu calculatrice dois parce avoir que je 15 suis ans. vraiment nul. Je devais avoir. Je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Non, 14. Donc j'avais 14 ans. Et enfin bref, c'est vraiment la période. Ouais, c'est pré-ado ou c'est ado, 14 ans? Je sais pas. Mais c'est la période où tu commences à te poser des questions, à remettre en question le monde. Et Matrix est arrivé pile à ce mauvais moment. Parce que là, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, ça m'a tellement foutu l'esprit en bordel. Ça m'a tellement fait poser des questions, justement, sur la validité. Pas la vérité. Pas la véritable. Je me suis jamais vrai. Enfin, au-delà du côté, tu sors de la salle et t'es encore un peu la tête dans le film, etc. c'est à mon sens vraiment ce déclic qui m'a fait remettre en question le monde dans lequel on vit, en fait. Ses valeurs, ses règles. Justement, avec le fameux s'il y a des règles, on peut les transgresser. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris de la perspective par rapport au monde. Et donc là, on parle du film, mais du coup, sa bande originale, qui honnêtement, de la même manière que la bande originale d'Aladin, il n'y a pas grand-chose à jeter dedans, d'accord ? Bon, pas pour les mêmes raisons, hein, c'est pas le même style musical du tout. Mais la BO de Matrix, elle est monumentale, c'est un chef-d'œuvre. Je veux dire, je peux m'écouter l'album en entier, alors que, tu vois, avec iTunes, t'as le choix de pouvoir écouter juste un morceau ou d'écouter le truc en entier. T'as besoin de changer de CD pour passer d'un truc à l'autre. Et honnêtement, l'ensemble des musiques qui ont été choisies pour ce film sont juste énormes. Et ce que j'aime bien dans cette musique, c'est qu'elle réunit un côté très musique classique. Parce que faut être honnête, si t'enlèves le côté rythmé, tu pourrais être sur un morceau de musique classique. Mais justement, c'est de la musique classique avec un côté plus moderne qui vient harmoniser l'ensemble. Et t'as un équilibre qui, au final, est assez équilibré. Mais j'ai pas d'autres mots qui viennent. C'est assez harmonieux. Et ça donne ce côté un peu steampunk que t'as dans Matrix aussi. Alors, là, j'utilise à très mauvais escient le steampunk. En réalité, c'est plutôt l'époque victorienne avec des machines à vapeur qui sont capables de faire tourner des technologies d'aujourd'hui. Par exemple, tu vois typiquement un monde actuel avec des ordinateurs, mais des dirigeables, des trucs que ton ordinateur il fonctionnerait avec un système de soupape et de machin, etc. C'est ça l'univers steampunk. Mais je veux pas le dire avec Matrix. Et ben dans Matrix, au final, si tu regardes, c'est un film qui est un peu futuriste, il est futuriste techniquement vu qu'il est censé se passer dans le futur, vu qu'on est en 2099 ou 2199, je sais plus exactement. Et au final, ils utilisent dans la matrice, qui est censée se passer en 1999, des vieux téléphones à cadran pour rentrer et sortir de la matrice. Tu vois, t'as cette utilisation de vieilles technologies. Ils utilisent une vieille guimbarde aussi pour trimballer. Ils ont des téléphones avec la paix, c'était trop la classe à l'époque. Attends, ils ont des téléphones à clapet qui sont super technologiques, mais ils peuvent pas s'en servir pour entrer et sortir de la matrice. Là, ils utilisent des téléphones à cadran noir. Ce qui est complètement con. Non, ce qui a sûrement sa logique interne, ça doit passer par un câble physique, je sais pas, on s'en fout. À la limite, j'ai envie de dire, c'est comme dans les jeux de rôle, ta gueule c'est magique. C'est magique, ouais, d'accord. Voilà. Mais voilà, tu vois ce côté, ils sont un peu dans l'ancien, et puis dans le nouveau, et puis dans le... Voilà, juste... Et tu le retrouves dans cette musique-là, où justement, tu as ce côté petite musique de nuit, là qu'on entend actuellement avec le morceau en piano, et qui alterne avec ce côté très rythmé, je vais pas dire dubstep, parce que sinon il y en a qui vont me hurler dessus, mais où tu as ce côté très, très mécanique, très rythmé au final. Et ça représente bien l'univers graphique aussi du film. Et je sais pas, pour moi c'est une chanson qui résumait bien Matrix. Je voulais en choisir une de Matrix parce que c'était là aussi une évidence. Et de toutes celles de Matrix, il y avait aussi effectivement Spy Break, c'est la scène du hall, la fameuse scène du hall. Mais je m'en suis lassé. C'est-à-dire au début, c'était vraiment celle que je préférais et que je mettais en boucle. Et le type du qui est vraiment sympa, mais voilà, à force de l'écouter, au final c'est vraiment celle-là qui reste. Et je sais pas si t'as remarqué, mais on retrouve souvent ça dans mes écoutes musicales. C'est-à-dire il va y avoir pas mal de chansons, il y en a peut-être une qui va sortir du lot à un moment donné, mais au final ce sera pas forcément celle-là qui dans le long terme va finir par me marquer. Tu vois, c'est là encore une fois, t'as le niveau de lecture ou la réelle résilience à l'écoute qu'il peut y avoir d'une musique. Parce qu'il faut être très honnête, j'écoute très peu de musiques différentes. Au final, je pense que sur un CD contenant des MP3, donc avec 10 heures de musique, Alors attention, quand je dis Deezer sur un CD, hein, c'est pas la même chose que Facebook sur une disquette. D'accord? Ça n'a rien à voir. Donc du coup, avec Deezer sur un CD, je pense que je pourrais faire l'ensemble des musiques qui m'iraient pour le reste de mes jours. Parce qu'au final, c'est ce qui se passe. Hein, Adrien Monk, psychorigide, du par cœur, une seule musique. Non, pas une seule musique, pas une seule musique, mais peu au final. Depuis le début, tu Très nous sors peu. des musiques que tu connais par cœur. Mais parce qu'en même temps, c'est la playlist, donc des musiques que je connais pas par cœur, je vais pas avoir tendance à te les sortir. Par exemple, il y en a une en ce moment que j'écoute en boucle, que du coup, j'ai pas le droit d'en parler parce que elle est pas dedans. Mais tu vois, littéralement, elle est pas dedans parce que je sais que dans 2 mois, elle sera remplacée par une autre. Tu vois, mais il y en a qui me marquent et qui restent. Et elles restent pourquoi? Parce qu'elles sont associées à un souvenir. Elles sont associées à ma personnalité au final. Si tu regardes Aladdin, on va refaire Previously, la playlist. Si tu regardes Aladdin, c'est vraiment l'enfance, c'est vraiment le côté innocent, parce qu'il y a une certaine innocence et une certaine. T'as un côté innocent dans cette innocence, oui. Non, mais t'as un côté. Je dis pas que t'as pas d'enjeu dans Aladdin, mais t'as pas vraiment de danger dans Aladdin, si tu veux. Tu sais que de toute façon, il va y avoir le Deus ex machina du génie qui va régler le problème. D'accord? Il y a que éventuellement dans la scène finale où ça passe un peu ras les fesses, mais globalement, l'ensemble du truc, c'est une vaste farce, si tu veux. Ensuite, bah, t'as Fantasia. Fantasia, c'est le merveilleux. Là aussi, à part des moments flippants un peu vers la fin, parce que justement, quand c'est la montagne du démon ou je sais pas trop quoi, où là c'est un peu flippant, là tu vois, on reste là. Et puis, c'est ce qui m'a fait découvrir la musique classique, c'est ce qui m'a introduit à ça. Feeling Good, bah, parce que Feel Good. Virtual Insanity, parce que c'est ce qui me fait poser des questions sur un sujet qui est pourtant ma passion, qui est la technologie. Et là, c'est ce qui m'a fait me poser des questions sur le monde en entier dans lequel on vit et sa validité en tant que, enfin, et la validité de la société qu'on a construite. Donc tu vois, c'est pour ça qu'elle dure si longtemps. Parce qu'elles m'ont vraiment marqué. Les musiques m'ont façonné au final. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui se rendent compte à quel point les musiques peuvent les toucher plus que juste ils l'ont aimé, ça les a marqués un moment, enfin ça leur rappelle un moment en particulier, etc. Je pense vraiment que la musique a cette potentialité, cette potentialité même, de communiquer vraiment. C'est-à-dire soit de souligner un message tellement fort que le message il va vraiment se graver à l'intérieur de toi. Par exemple, là, bah, Matrix, si tu veux, le fait que la musique soit géniale, ça fait en sorte que justement, et bah, après, quand tu réécoutes, tu te rappelles du film, ça te fait te reposer les mêmes questions, machin. Le fait aussi que la musique elle ait différents niveaux de lecture, ça va faire en sorte que ça va pas te marquer de la même façon à chaque fois. Juste, par exemple, Virtual Insanity, juste, tu vas l'écouter parce qu'elle est cool, et puis après, tu vas écouter les paroles et tu vas faire, oh putain, elle est encore plus cool que ce que je pensais, tu vois. Et après, tu vas faire, ah ouais, mais en plus, il a pas complètement tort dans ce qu'il dit, tu vois. Et ça, tu vois, c'est pour ça qu'au final, eh ben, on se retrouve avec ces musiques-là et que ces musiques-là, je les réécoute en boucle parce qu'elles font partie de moi en fait, tout simplement. Donc c'est pas être monomaniaque, c'est que je retrouve une partie de ma personnalité en écoutant ces musiques. Je peux même modifier ma personnalité en écoutant certaines musiques ou mon état d'esprit à défaut de ma Et ça, personnalité. c'est magique avec la musique. Mais je Et me ça, c'est l'expliquerai jamais. voilà, c'est le seul, le, je dirais même que c'est le seul art qui peut vraiment avoir cet impact-là. Quand tu regardes un film, t'es dans le film, à la fin du film, pendant 15 minutes, c'est bon, c'est réglé. Selon la musique que je vais écouter le matin, ça peut faire mon humeur pour la journée, quoi. Et ça, je connais aucune forme d'art qui est capable de me faire ressentir ça, Même pas le ou jeu d'avoir cet vidéo. effet sur moi. Non, le jeu vidéo, pour moi, c'est comme un film, en fait, un jeu vidéo. C'est un peu plus immersif qu'un film parce que tu es pas comment dire, tu es pas seul spectateur, Même si d'un autre côté, le fait d'avoir la main dessus, moi qui aime bien justement remettre en cause les règles grâce à Matrix, j'ai tendance à toujours chercher la petite bête dans les jeux vidéo, essayer de voir comment ça chie et ce qui fait que justement, ah là c'est pas réaliste. Mais ça c'est à cause de Matrix, tu vois, typiquement. Mais au final, voilà, quand je pose la manette ou quand je pose la souris, j'ai joué à Half-Life 2, quand je sors dans ma cage d'escalier, je cherche pas s'il y a des combines, quoi. Les combines, c'est les ennemis, pour ceux qui n'auraient pas joué à Half-Life 2. J'ai pas peur qu'il y ait un truc qui me saute à la gueule. Enfin, voilà, quoi, je suis pas... Peut-être parce que c'est un jeu de tir à la première personne, il y a peut-être d'autres jeux qui peuvent te mettre dans d'autres ambiances, mais pas en 2 minutes 30. Je sais pas, quand c'est GTA, j'ai pas envie de faire sauter toutes les bagnoles dans la rue, quoi, alors que j'adore faire ça dans GTA. Il y a peut-être plus des jeux d'histoire ou d'ambiance qui peuvent être aussi efficaces, avec un titre en musical en particulier qui vont te rappeler ce truc. Ça, c'est possible. C'est possible. Justement, je te dis, c'est probablement mieux qu'un film sur bien des points, mais moi, c'est pas le genre de jeu auquel je joue. Mais par contre, en termes de communication de messages, c'est vrai qu'un jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux narratifs en ce moment, c'est la grande mode, et je pense qu'il y a une raison, c'est parce que justement, on commence à être sur du cinéma interactif. Mais c'est pas la question, encore une fois, parce qu'on est dans la playlist. Non, on s'écarte de plus en plus, c'est catastrophique. Comme diraient les autres qui sont en train d'écouter, ah ben c'est normal, c'est Phil, fallait pas l'inviter. Je t'ai pas invité, tu m'as proposé. Ben voilà. Il fallait pas accepter. Donc voilà. Non, mais à l'époque j'avais besoin de gens. Je sais que notamment il y a Oasis qui est en train de rigoler parce qu'il se sent concerné par ce que je viens de dire. Parce que juste avant, justement, il disait ah ben ça va durer 3 heures, bon courage à lui, tout ça. Enfin, ou quelque chose du style, quoi. Je sais plus exactement. Non, ça durera 2 heures ou un petit peu plus, comme les autres. Ou j'abogerai à la fin, c'est pas grave. Ouais, bon courage pour la coupe. Oui, non. Bon, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Exactement. Parce que justement, vu qu'on parle de musique qui peuvent changer mon état d'esprit. Et moi qui présente. Hein. Ah bon? Oui. Allez, doucement. Juste là pour faire le montage. Non, non, je dis oui, des fois je fais aussi. Et sinon, comment allez-vous? Et sinon, est-ce que vous pouvez me parler de votre mère? Je suis monomaniaque. Voilà, aussi. Je suis un psy. Ouais. Mais je suis gratuit, profitez-en. Ben, on va s'écouter Phoenix. If I ever feel better. C'est ça. Je sais même pas en quelle année d'ailleurs. Aucune idée. On s'en fout. They say an end can be a start. Feels like a barbarian is still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know. Alors là, tu vois, c'est la musique. Tu te dis, ça c'est la bonne musique pour démarrer la journée. On est d'accord? On écoute la musique, ça. Musique qui donne la joie. Alors, cette musique qui donne la joie, je vais vous lire les paroles, d'accord? Vous allez voir que c'est une musique, c'est un peu comme Virtual Insanity, c'est le même principe. Ils disent qu'une fin peut être un départ, j'ai la sensation d'avoir été enterré, pourtant je suis toujours en vie. C'est comme une mauvaise journée sans fin, je sens le chaos m'entourer. Quelque chose que je n'essaie pas de nier, je ferais mieux d'apprendre à l'accepter. Il y a des éléments dans ma vie que je ne peux contrôler. Et ça, cette chanson, elle me correspond, mais tellement. Tu vois, lapsus révélateur, je vais y lire, elle me définit. C'est typiquement ce que j'ai l'impression d'être, cette chanson. C'est-à-dire que, en apparence, tu vois, je suis quelqu'un tout à fait jovial, et quand tu creuses un peu, exactement. C'est plein de chaos, de putain, mais je il y a plein de choses que je peux pas contrôler, faudrait que je finisse par, de toute façon, l'admettre. Mais voilà. Et vraiment, cette chanson-là, elle est tellement parfaite pour ça que là, on était comme dans Virtual Sanity. J'adorais cette chanson parce que je trouvais le riff qui était intéressant, la musique derrière, les samples qui sont utilisés, ce que tu veux, la mélodie. La façon de chanter aussi est intéressante. Elle est... Je sais pas quel traitement ils ont fait sur la voix ou machin, mais... Tu vois, c'est un son qui est typiquement fin des années 90, tu vois. Et d'ailleurs, ça doit être sorti, je crois, en 2000, hein, de mémoire, hein, quelque chose comme ça. qu'est-ce qu'il y a? Wikipédia. Ah, c'est sorti en 2000? Je sais pas, je vais regarder. Ah bah, va regarder. Et du coup, au final, c'est une chanson qui, elle aussi, Elle a pris du corps, elle a pris de la consistance au fur et à mesure que je l'écoute. Et celle-là aussi, elle faisait partie des 5 chansons originales. Parce qu'elle est, elle est pleine. 2000, je t'ai dit, c'était fin des années 90, début 2000. Je t'ai dit avec un peu de chance 2000. 2001. Et... Ah, c'était 2001 ? Oh putain, j'étais pas loin. Et donc, du coup, en fait, j'avais complètement tort. Bref, revenons au truc. C'est. Les paroles sont bien écrites. Honnêtement, je pense que si vous voulez chercher la dépression, ou en tout cas une dépression de fond, si tu veux, pas la grosse dépression de tu arrives pas à te lever le matin, mais la petite dépression de quotidienne, j'ai envie de dire, tu sais, celle qui te pourrit un petit peu la vie au fond. Wouhou, ouais, youpi, non. C'est ça. C'est justement, tu en fait, tu écoutes la musique, tu fais ouais, c'est la joie, et tu lis les paroles et tu fais je veux mourir. Ouais, mais mourir un petit peu tous les jours, un petit feu. Voilà, c'est ça. Ou sinon, non, je vais juste pas me lever. Ce qui est la version mourir, mais version coup de molle. Tu vois, c'est quand t'as pas les couilles de te suicider, tu fais non, je vais juste rester dans le lit. Voilà, mais vraiment, tu vois, ce truc de ce côté dépression façon cancer de ta conscience, si tu veux, elle est très bien dépeinte dans cette chanson. C'est, pour moi, c'est vraiment une poésie qui s'était cachée derrière une chanson que j'aimais bien. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai lu les paroles, parce que ça m'a paru comme une évidence et c'était rassurant en un sens, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et que j'y suis très attaché, que finalement j'étais pas le seul à ressentir ça. Il y avait vraisemblablement une autre personne, celle qui avait écrit les paroles, qui ressentait ce genre de choses. Et pas le genre de choses, tu sais, le genre de « Ah tiens, c'est trop les mots que j'imaginais », tout ça que tu as quand tu es ado, sur les chansons d'amour, tu vois. C'est là, vraiment... les mots, plusieurs mots ou juste un émo Non, les plus mots. Ah d'accord, mots. D'accord. Tu vois, parce que quand t'es ado, t'écoutes une chanson d'amour et tu fais « Ouais, c'est trop ça que je ressens », ou une chanson de rupture « Ouais, c'est trop ça que je ressens ». Et là, en fait, plus je réécoute cette chanson et plus je fais attention aux paroles, parce qu'il faut être très honnête, je fais pas forcément toujours attention aux paroles quand j'écoute celle-là, contrairement à Jamiroquai, où je chante systématiquement les paroles. Celle-là, quand je fais attention aux paroles, à chaque fois, je fais « Ouais, c'est tellement ça, ce petit truc qui me rappelle que, putain, merde, tu vois, je ne pourrais pas le définir pas parce que... le spleen, justement. Eh ben, c'est vrai que c'est un peu le spleen, mais j'ai pas retrouvé cette... tu vois, justement, le spleen de Baudelaire, principalement, c'était trop pourri par rapport à ce que je ressentais, c'était une caricature de ce que je ressentais. Et puis surtout qu'au moment où je l'ai lu et où je l'ai étudié, parce que je l'ai étudié en cours, je pense que j'étais pas prêt à écouter ça et à le comprendre et à en saisir éventuellement les subtilités. Donc du coup, ça a été caricaturé par la lecture la seconde lecture qu'on a fait le professeur pour qu'on puisse comprendre. Et ça a peut-être dénaturé ma vision du spleen de Baudelaire. Putain, on parle littérature, on aura vraiment fait le tour de pas mal de trucs. C'est juste parce que j'ai retrouvé le nom sur Wikipédia, c'est tout. Ah, d'accord. mais oui, effectivement, on est sur ce côté. C'est pas vrai, tu pourrais pas dire « je suis dépressif », mais tu peux pas dire « à tout moment, je suis heureux », très souvent, ça va pas. Et tu sais pas pourquoi. Et là, tu vois, là, tu dis « putain, c'est ça ». Et tu vois... C'est un truc qu'on n'avait pas abordé encore, c'est que la musique, c'est outre le côté ça souligne un moment, ça souligne une poésie sous-jacente en fait. J'ai l'impression qu'avec toi, ça souligne aussi un sentiment. Ah mais moi ça souligne pas mal de... Bah, c'est pas qu'un sentiment, c'est plus que ça, ça peut être un état d'esprit si tu veux, mais... Parce que pour moi, sentiment et état d'esprit, c'est pas exactement la même chose. Sentiment, c'est plus éthéré qu'un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est définissable. Un sentiment, c'est plus vague. Mais oui, c'est bah là en même temps, c'est des chansons que j'ai choisies parce que j'avais envie de pas de me définir face à elles, mais j'avais envie de montrer des chansons qui me définissent, tu vois, qui font partie intégrante de moi, pas juste des chansons que j'aime bien et que j'avais envie de faire découvrir. Bah sinon, c'est pas intéressant. Ah bah, il y a des gens qui ne sont pas basés sur des chansons de sentiments personnels, des chansons de des titres de leur jeunesse, c'est juste des titres plus ou moins récents qu'ils voulaient faire découvrir. Ça, c'est vraiment un ton différent de playlist. Toi, tu restais très très personnel. Ah bah, c'est la playlist de Feel Good. Donc forcément, Feel Good étant très égocentrique... Ah d'accord, d'accord. Ça ne pouvait être qu'une playlist très personnelle. Tu te rends compte qu'à chaque titre, j'ajoute 100 euros à la consultation, ça va être compliqué tout ça. Ça va coûter cher à l'assaut. Ça va faire cher, putain. Va falloir que j'appelle mon banquier, bordel. Et à chaque passage de la playlist, attention. Non mais en fait, le leitmotiv de cette playlist, c'est la musique nous apporte, nous définit, nous construit. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Là, pour moi, la musique, c'est même thérapeutique, je pense, sur bien des aspects. Très honnêtement, je pense que tu peux lutter contre la dépression avec de la musique, parce que c'est ce que je fais quotidiennement. Non, parce que ça fait vraiment dépressif quand je dis ça. Parce que c'est pas à ce point-là, mais je module mon état d'esprit et mon esprit en général grâce à de la musique. Si par exemple je veux me concentrer au travail, je sais que je vais écouter tel type de musique, parce que c'est de la musique qui va me permettre de me concentrer. Je sais aussi que si je vais empiler des cartons dans un camion de déménagement, je vais avoir la musique de Tetris en tête pendant le reste du déménagement, forcément. Et bizarrement, je me demande si je suis pas meilleur dans l'empilage des cartons, d'ailleurs, à ce moment-là. Psychologique, ça serait d'ailleurs... ça. Non, mais sans déconner, je pense qu'il faudrait faire une étude de gens qui, justement, de notre génération, ont joué à Tetris, de faire l'un avec une autre musique dans la tête et l'autre avec avec une autre musique sur le casque et l'autre avec la musique de Tetris, savoir lequel des deux va arriver à mieux agencer le camion. Non, surtout quand il y a des trucs un peu fragiles dans les cartons, il n'y a pas moyen. Si vous commencez à balancer les cartons au-dessus... Non, mais tout, tu commences à donner des cartons de forme merdique, si tu veux, pour faire en sorte de savoir lequel aura mieux optimisé l'espace. Ça serait intéressant à faire comme étude. Il y aura tellement plein d'études. Je te regarderai faire, alors. Ça dit, c'est vrai que tu pourrais le faire avec la même personne. Alors, je vais déménager comme ça, moi, t'es sûr que c'est le même niveau. On jouera à Tetris. Mais je suis pas très très bon en Tetris. J'adore ce jeu, mais c'est le genre de jeu que j'adore 10 minutes. Pour moi, c'est littéralement un jeu de chiottes. C'est-à-dire que c'était le... Du caca gaming. C'est exactement ça. C'est le papy du caca gaming. C'est parce qu'en plus, c'est tellement sorti sur des petites consoles de merde dans un écran LCD façon Game & Watch. C'est pas les écrans justement de Game Boy où tu peux afficher ce que tu veux parce que c'est des pixels, mais des écrans où c'est juste des vrais blocs qui s'affichent. Et c'est tellement sorti sur des trucs à genre l'équivalent de 5 euros parce que c'était en francs à l'époque. Vu que je t'ai acheté sur le marché le mercredi ou le dimanche, tes parents récupéraient ce truc-là, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ça où ils disaient qu'il y avait je sais pas combien de modes de jeu, mais au final c'était juste Tetris avec je sais pas combien de variantes. Juste des pauvres cristaux liquides à 45 lignes et puis voilà quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je sais plus ce qu'on disait. Donc, je disais, oui, du coup, que la musique, oui, ça permet de se concentrer sur quelque chose, ça permet de s'aérer l'esprit, de se détourner de quelque chose. Je l'ai pas mise dedans, donc je vais pas en parler. Tu vois comment je triche depuis tout à l'heure en faisant ça? Oui, mais non, tu n'en parles pas, donc c'est très bien, tu as des bons points. Mais tu vois, il y a une chanson que j'ai volontairement sacrifiée, si tu veux. Parce que je sais que maintenant, ce qui elle est. Un peu con, parce que normalement, tu t'en manquais. Hein, mais... Non, c'est pas dans ce sens-là. Que dans ma vie, pas dans la playlist, j'ai volontairement sacrifié. C'est-à-dire que je savais, par exemple, au moment de mon divorce, qu'à un moment, je vais avoir forcément une musique qui va être liée à mon divorce. D'accord ? Et qui va correspondre au fait de remise en question, reconstruction, retrouver quelqu'un, et puis après, retour à la vie normale. Donc du coup, je savais qu'à jamais, j'aurais une chanson qui serait entachée par ça. Donc du coup, j'ai décidé d'en choisir une. Et du coup, j'ai pas le droit de dire laquelle. J'aurais pu, mais non. Non, c'est la musique du trailer d'Assassin's Creed. Voilà, bon, bref. Une musique qui est justement très sur la enfin, qui est, où dans le trailer, justement, tu le voyais avancer sous la pluie, tout ça. Enfin, voilà, c'est... Et celle-là, c'est vrai que c'est clair, maintenant, elle est fusillée, elle correspond à cette période-là. Si je la réécoute, je ressens le même mal-être qu'à cette époque-là. Oui, parce que c'est aussi une belle machine à voyager dans le temps, la musique. Une très bonne machine à voyager dans le temps. C'est un peu comme un album souvenir. Alors, du coup, il y a le Minou qui va écouter forcément cet épisode, donc je lui dédicace ce petit paragraphe d'introspection personnelle, mais il a dû subir ma musique pendant qu'on allait à Podren ensemble dans la voiture. Alors, il a fait un périscope exprès, Ça tombait bien, c'était le défi de sa playlist. Mais justement, le truc, c'est que j'ai plein de musiques que, honnêtement, intrinsèquement, c'est des musiques de merde. C'est vraiment des musiques pourries. Enfin, je veux dire, musicalement, elles valent rien, les paroles sont à chier. Mais je les ai écoutées à un moment dans ma vie, genre, elles tournaient à la radio à ce moment-là, si tu veux. Et le fait de les réécouter, eh ben, je me rappelle plus vivement des souvenirs de cette époque. C'est vraiment le concept de la Madeleine de Proust, mais sauf que je peux choisir l'époque. C'est les Madeleines de Proust, en fait. Et du coup, je peux me téléporter en souvenir à un moment donné. Et c'est ça que je trouve merveilleux, parce que vraiment, du coup, quand j'ai ma bibliothèque iTunes avec tous mes morceaux pourris, je feuillette un album de souvenirs, en fait. Et c'est très difficile, d'ailleurs, pour la période de, on va dire, de 2009 à maintenant, et surtout maintenant, c'est que, en fait, plus ça va, plus j'écoute des podcasts et moins j'écoute de musique. Et je pense qu'il va manquer des pages dans mon album, au final. Mais est-ce que tu peux pas les remplir par des podcasts ? Bah non, parce que des podcasts, tu les réécoutes pas, ou très rarement. Je réécoute très très peu les podcasts plusieurs fois, et puis c'est pas autant que la musique. Et puis, je veux dire, autant, ok, là, cet épisode de la playlist, il est très possible que je le réécoute, disons, dans, je sais pas, les, disons, 5 ans, parce que je voudrais savoir si je suis toujours d'accord avec moi-même. Je veux un Tipeee, faut que vous m'offriez un serveur qui tienne 5 ans. Non, mais je vais la garder, moi, dans mes archives. Ah, zut. J'ai tendance à garder quelques trucs dans mes archives. Et et donc, tu vois, parce que bah, je vais me rappeler, parce que forcément, vu qu'on parle de plein de musiques, je pense que je vais associer toutes les musiques qui sont dans la playlist au fait que c'est dans la playlist, donc si tu veux, il va y avoir un reminder. Mais des podcasts, je les réécoute pas autant que des musiques, parce que c'est long, parce que, justement, bah, je dis pas que c'est du jetable, parce que... Mais au final, enfin, c'est pas au sens que c'est à jeter, mais au final, c'est dû à consommer... C'est à consommation unique. C'est le problème de notre média, d'ailleurs, c'est qu'on se fait chier à faire une émission. Nous, on va aller... Enfin, surtout pour ceux qui font du montage, donc je devrais pas dire nous. Vous, qui vous faites du montage, qui vous tapez du montage, vous devez écouter l'émission au final 3-4 fois minimum, si on cumule les retours en arrière. Et alors que les personnes vont l'écouter une fois, vont avoir une seule expérience. Alors que la musique, et ben la musique, tu l'écoutes une fois, tu l'écoutes 10 fois, tu l'écoutes 100 fois. Moi, honnêtement, il doit bien y avoir des musiques qui sont avec un compteur de 1000. Dans iTunes, notamment parce qu'il y en a que j'ai fait tourner la nuit, des fois parce que ça va pas, des fois parce que ça va trop bien et j'arrive pas à m'endormir, ça arrive aussi, et qu'il y a ce petit côté, comment dire, ce petit côté hypnotisant de mettre une musique en boucle. C'est normal pour toi, entre guillemets, de t'arriver à te manipuler toi-même par la musique? Ah, mais c'est un putain de super pouvoir. Attends, et quand je me suis aperçu que je pouvais faire ça, ah, ça m'a grandement simplifié l'existence. Enfin, ça me l'a décomplexifié sur quelques points. Mais tu vois, on en revient sur les paroles de Phoenix où ils disent qu'il peut pas tout contrôler, il faudra qu'il s'y fasse. Tu vois, là, on est clairement dans le déni de « je peux pas tout contrôler ». C'est pourtant de contrôler cette émission, mais je saurais t'arrêter. Et tu remarqueras, hein, mais c'est horrible, tu vois, hein. Du coup, c'est beaucoup plus profond que juste j'arrive pas à fermer ma gueule. c'est très flippant pour moi de pas avoir le contrôle. Tu n'imagines pas combien pour moi c'est difficile de faire un épisode de Techcraft. Comment je suis les deux pieds sur le frein pendant toute l'émission. C'est pour ça qu'après mes chroniques durent 45 minutes. C'est peut-être la maladie des personnes qui présentent un podcast. On a chacun son propre rythme, c'est très très dur de s'adapter au rythme des autres. Ah mais ça demande de prendre sur soi, c'est éreintant en fait, c'est très très fatigant. Pas de montage à faire, c'est bien. C'est oui, effectivement. C'est le gros avantage quand c'est pas toi qui fais l'émission. Mais même quand c'est moi qui fais l'émission, je fais pas de montage, je fais de la post-prod, c'est tout. C'est-à-dire je mets des filtres, vraisemblablement pas les bons, d'après le dernier épisode du P2P. Et après je mets des idées 3 tags et puis c'est tout. Hein. Moi le montage c'est niette. J'aime pas le montage. Parce que j'ai l'impression de couper des morceaux et j'ai l'impression que l'émission devient plus subjective. Mais c'est tellement bien, tu peux paraître intelligent à la fin. Mais moi, enfin, ça me met la pression pour le suivant, quoi. Si je parais intelligent sur celui-là. Parce que là, ce que tu ne sais pas, c'est que dès toutes les occurrences de Wikipédia, je vais les remplacer par ma mémoire. Avec un petit coup de montage, vous allez voir, c'est formidable. Terriblement intelligent. Et ben justement, vu que je disais que ça me sert de... Oui, tu vois que je suis en train de reprendre le contrôle de l'émission. C'est terrible, hein. Ouais, mais parce que moi, en fait, il y a une logique. Non. Et si tu me casses ma logique, je vais être très frustré. Non. Si non. Donc, vu qu'on parle d'album souvenir, on va passer au titre suivant parce que justement, c'est un souvenir et c'est pas n'importe quel souvenir. Et vu qu'on parlait d'écouter une chanson en boucle, du coup, on va écouter quoi, Barberousse ? Non, c'est mon émission, je dis quand je veux. Donc, je vais continuer sur les questions de. Non. Eh ben, moi aussi, je vais tricher. Parce que moi, je connaissais déjà ce groupe-là. Mais pour un autre titre, hip-hop, ils ont fait un clip il y a quelques années qui était absolument formidable, mais surtout, on va s'écouter Dig This de Hocus Pocus. Ça a commencé dans ce shop d'occasion où j'ai l'habitude d'aller fouiller dans ces vieux bacs de disques, même fois les mouillés par tous les producteurs de ma ça fonctionne bien. Ça marche bien. Il est posé ce titre. Il est posé et tu vois, là encore une fois, on parlait du côté narratif de la musique classique au tout début. Bon, là je sais qu'on est pas du tout sur la musique classique et que les gens sautent pas de leur fauteuil, mais. Là, tu vois, c'est un petit morceau qui est posé et qui te raconte juste l'histoire ô combien classique de t'es allé au disquaire du coin. Dans mon cas, j'adore faire les cash converters et autres conneries pour aller choper des disques au hasard parce que je trouve la pochette jolie. Parce que du coup, il y a zéro prise de risque. Tu vois, au final, quand tu vas... Au moins, t'as une jolie pochette. Oui, non, mais c'est surtout que le disque, il va te coûter 1 euro, quoi. Tu sais, parce que vraiment, je prends des trucs pas chers, mais où la pochette me parle. Tu vois, je sais qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, on est d'accord. Mais là, dans ce cas-là, tu vois, de temps en temps, je me fais un petit kiff. Genre, je me prends 5 CD pour 1 euro chacun, ça me fait 5 euros, ou la grosse dépense. J'en ai jeté plein, des CD. Mais forcément, hein, je veux dire, tu peux te tromper. Et puis, il y a des styles musicaux, auxquels j'accroche pas. Un peu comme, tu vois, l'accord des mots ensemble. Et tu vois, là, en fait, l'histoire qu'il raconte, c'est simplement, lui, bon, il fait du hip-hop, donc du coup, il cherche le disque sur lequel il va pouvoir trouver le sample qui va pouvoir lui permettre de faire le morceau. Les étant soulignés et en gras à chaque fois. Mais au final, on est dans le truc ô combien classique de tu recherches une nouvelle musique, tu recherches un nouveau truc à écouter. Et c'est vrai que il arrive bien à communiquer dans cette simple histoire, dans cette petite fiction, on va dire, la satisfaction que t'as quand tu tombes sur quand ils disent tu tombes sur la bonne track, quand tu tombes sur un truc auquel tu t'attendais pas et t'es content et ça te plaît et tu vas te l'écouter en boucle pendant une semaine et après tu l'écouteras plus jamais, mais voilà, ce moment de la découverte musicale, c'est ce côté savoureux de tomber sur quelque chose et jouissif en même temps. Selon là, il y a vraiment de la jouissance qui est transmise. Et pourquoi j'ai choisi celui-là en particulier dans la playlist, parce qu'à la limite, en soi, l'histoire est banale, l'histoire elle est bien, ça me parle bien, etc. Mais c'est parce qu'en fait, cette boucle qu'on entend derrière, ce petit morceau là qu'on avait au début et qui au final fait toute la musique, a l'avantage d'être assez hypnotique pour moi. Et ça m'a servi pour me concentrer, pour préparer quelque chose que maintenant peut-être vous avez entendu parler, qui est en fait ça m'a servi à préparer pendant 10 heures d'affilée. Faut vous dire que sur mon iPod Shuffle, j'avais cette musique en boucle pendant 10 heures d'affilée. Parce que c'était le temps de la traversée, c'était 10h30 d'ailleurs. Le temps de la traversée donc de Portsmouth jusqu'à Saint-Malo. Donc dans le ferry, j'avais le mal de mer, j'arrivais pas à dormir. Et j'ai préparé sur des sacs à vomi l'émission marathon qui s'appelait le Pomme 24, qui est devenu, après quand on a quitté Pommecast, qui est devenu le 27 sur 24. Et pour moi, ça restera cet accouchement difficile, j'ai envie de dire en un sens, mais mais à la fois ce défi complètement taré que j'étais en train de me lancer. Et pour moi, c'est associé définitivement, Hocus Pocus est associé définitivement l'ensemble du truc, parce que j'écoutais du coup tous les Hocus Pocus, tous les albums qu'ils avaient sortis à ce moment-là, en boucle pendant que je préparais mes émissions. C'est vraiment le moment où j'ai commencé à faire du podcast. Donc pour moi, l'univers du hip-hop que décrit et que chante Hocus Pocus dans son univers musical, pour moi, c'est celui du podcast. Parce qu'aussi, j'ai l'impression, si tu veux, que ça se rejoint sur bien des points. Le côté mixé de la musique et surtout dans l'esprit dans lequel il a l'air de le faire, en tout cas il raconte qu'il le fait, c'est-à-dire un côté très artisanal, très amateur, j'ai l'impression de me retrouver moi en tant que podcasteur dans cette démarche créative. Et je pense que c'est pour ça du coup que pour moi j'ai associé l'ensemble de l'œuvre de Hocus Pocus au podcast et au monde du podcast. Et donc tous mes vieux souvenirs de podcasteurs, entre guillemets, de l'époque où vraiment je faisais des émissions, il n'y avait pas que moi et ma famille qui les écoutions, Non, généralement, on commence par toi et ses potes, la famille, généralement, on l'avoue pas tout de suite. Eh ben non, Ah non. bizarrement, les premières émissions, je crois que la première personne qui a écouté une émission que j'ai faite, eh ben c'était mon père, à l'époque où je faisais Everyday. Après, il a arrêté d'écouter, et puis voilà, mais après, ça a été les potes, mais le premier podcast que j'ai écouté, la première personne qui l'a écouté, c'est mon père. Tu vois, c'est pas pareil que les autres. Classe. Mais en même temps, j'ai envie de dire, les potes, j'étais à la fac à l'époque, ils étaient plutôt en mode Pat et Jack Daniels, et donc du coup, tu sais, en termes de soirée, Oui. avec PES sur la console. Donc je leur ai fait écouter après. Mais je leur ai fait écouter un épisode, et puis je crois qu'ils sont pas plus accrochés que ça. Bon, intrinsèquement, quand je regarde avec le recul, c'est vrai que c'était pas folichon non plus, mais voilà, tu vois, ils m'ont pas vraiment aidé dans la démarche, au final. J'avais un pote, mais tu vois, parce que c'était mon pote de fac, parce qu'on a fait les 400 coups ensemble, tu vois, c'est le pote de fac, tu vois. Mais sinon, les autres potes, non, c'était pas leur délire, ils étaient pas dans le truc, ils trouvaient ça un peu. Je dirais pas kitsch, parce que c'est pas kitsch le terme que je chercherais, mais c'était un truc de geek, tu vois, tu comprends, c'est pas si intéressant que ça. Et puis ils me regardaient d'un œil bizarre aussi. Ils font, ah bon, toi tu parles tout seul, raconte des trucs, d'accord. Je veux pas juste aller en boîte, non, d'accord, tant pis. Non, sinon en boîte, on n'entend rien. Ou déjà de base. Et puis à l'époque, on pouvait fumer dans les boîtes, donc je te raconte pas le côté bétonnage des poumons, c'est terrible. Enfin, goudronnage en fait. Mais c'était un peu l'impression que c'était un peu lesté au béton quand tu te levais le lendemain matin, c'était terrible. Mais voilà, donc du coup, tu vois, il y a ce. Pour ceux qui connaîtraient pas Hocus Pocus, je vous conseille d'écouter un petit peu. Il y a un côté très accessible en fait. C'est pas de la grande musique, c'est pas un grand groupe. En soi, je parle des chansons d'Hocus Pocus, parce qu'après, si on part sur du C2C, là où il y a aussi Vinci, le chanteur de Hocus Pocus, là, on part sur des trucs où ça pèse, si tu veux. Ça triple pèse, même. Mais il y a ce côté artisanal, amateur, qui se prend pas la tête, tu vois. Parce que vraiment, ils se prennent pas la tête. J'ai pas l'impression qu'ils se prennent la tête dans Hocus Pocus. Je suis allé les voir en concert dans une petite salle. Mais genre, tu vois, la salle, elle devait faire. Est-ce que tu vois la taille de la cave du Capitaine? Parce que je sais Oui, plus un oui. truc que les gens. Voilà. La salle, elle devait faire 6 fois la taille de la cave du Capitaine. C'est petit! Ça doit être quoi, 30, 35 mètres carrés fois 6, c'est pas bien grand la cave du Capitaine. Voilà, c'est ça. Tu sais, avec la fameuse buvette sur le côté qui Oui. fait partie du. Tu sais, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de machin. Ils étaient juste dans un coin avec leurs instrus, leurs enceintes. Et ils mettaient l'ambiance façon le DJ de mariage dans la salle des fêtes, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression qu'ils se prennent pas la tête, mais ils ont mis une ambiance, c'était génial, ils étaient à fond, il y avait vraiment une cohésion entre le public et le groupe. Parce que on était peut-être 50-100 dans cette salle, donc on était déjà bien serré, mais c'était, tu vois, c'était pas un grand concert, tu vois. J'en ai pas vu tant que ça, des concerts, j'en ai vu pas mal, mais on en reparlera une autre fois pour ma prochaine séance de psy, oui. Bonjour maman. Et donc du coup, j'en ai pas vu tant que ça des concerts. J'ai vu quelques spectacles, ça c'est vrai. Mais vraiment cette expérience-là, elle m'a bien marqué. Et si j'ai, alors tu vois, je suis pas très fan d'aller dans les concerts au final parce que déjà faut se déplacer, il y a plein de monde, ça pue. Tu vois, ça pue. Vraiment au niveau de l'odeur, les foules, moi je supporte pas ça. J'aime pas les foules, je me sens toujours très seul au milieu des foules. J'ai toujours peur que, tu vois, comment dire, je sais pas, moi, qu'il puisse se passer quelque chose, si tu veux. Tu sais, genre, je sais pas, un incendie, un accident, un truc comme ça. Et bref, ça m'angoisse toujours un peu. Mais là, tu vois, là, c'est vraiment le truc où j'ai dit, il faut absolument que j'y aille. C'est un peu comme le concert d'IAM en novembre prochain. Donc, du coup, dans un an, hein, pour ceux qui font le calcul. Là, par exemple, tu vois, ils refont la tournée pour l'école du micro d'argent. Là, c'est tellement obligé. D'accord ? Sérieusement ? Oui. Renseigne-toi. Wikipédia. Sans déconner, prends même des billets à ce niveau-là, parce que moi, c'est fait. Hein. Ma copine qui m'a payé les billets. Oui, mais tu es équipé d'une copine. Je suis équipé d'une copine, effectivement. Ce qui fait deux fois plus cher en billets, du coup. Mais c'est elle qui a payé, donc du coup, c'est moins grave. Bon, ta gueule. Bref, je sais plus où j'en étais. Je dois t'adhérer à un podcasteur qui dit ta gueule au mec qui fait les 95% de l'émission. Oui, c'est normal, mais en même temps, c'est Phil. Donc moi, j'ai l'habitude qu'on me dise ta gueule, si tu veux. C'est parce que je parle beaucoup trop. Mais du coup, donc, j'en étais à dire que voilà, il y a ce côté amateur et artisanal que j'aime bien dans la communauté du podcast, ce côté tu fais des trucs et puis tu tentes des concepts et puis de temps en temps tu tombes sur un truc qui est juste génial et t'es content et puis après tant pis tu t'en lasses, c'est pas grave. Je vais donner un exemple si tu veux qui reprend un petit peu ça. Prenons Lâchez vos coms. Lâchez vos coms, le concept était génial, on a adhéré. Feu Lâchez vos coms. Bah ouais, mais le concept était génial et tout, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça. Après toutes ces émissions où j'ai passé un super bon moment, je me suis super marré et tout, bah le fait qu'il annonce qu'il arrête, je me dis ouais c'est vrai, au final on avait fait le tour, c'est pas gênant. Et puis je sais qu'il va nous sortir un autre concept, ou si c'est pas lui, c'est quelqu'un qui va sortir un autre concept. Regarde toi, t'as sorti la playlist, le concept il est juste énorme. Et puis peut-être que ça, dans un an ça s'arrêtera, il y aura plus de nouveaux épisodes parce que bah finalement on aura fait le tour de la question. Tu vois, il y a ce côté, il n'y a pas de pression, et il y a ce côté, vraiment, on est en création tous, on est en création constante, parce que bah, même si tu fais une émission, tu peux l'arrêter quand tu veux, tu peux reprendre autre chose, tu peux te lasser, tu peux ressortir un vieux truc des cartons pour le relancer d'une façon un peu différente. Il y a vraiment cette démarche créative, et dans ce morceau-là, tu la retrouves, cette démarche créative, en fait. Et c'est pour ça que je l'affectionne particulièrement. Je suis dégoûté. IAM, le tournée 2017, l'école du micro d'argent ne passe pas à Rouen, bande de bâtards. Ah, la tristesse. On passe à Toulouse. Tu veux venir ? Ta gueule. Non, mais je t'héberge et tout, je déconne pas. Oui, mais il faut que j'ai les sous déjà pour acheter le truc et descendre à Toulouse. Oui, mais après, t'as pas l'hôtel à payer. Oui, mais déjà, avec le train, j'ai plus vite fait d'aller à Paris. Puis... Ah, mais ça coûte déjà pas du tout. Fais chier. Ouais. À mon avis, à Paris, ce sera plus cher qu'à Toulouse, mais c'est pas la question. Bref, et vu qu'on parle de musique, parce que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur Hocus Pocus et d'Église, vu qu'on parle de faire du podcast, la deuxième est aussi intrinsèquement liée au podcast. Ça fait 1h57 d'enregistrement. On n'attaque pas le deuxième titre de la playlist. On attaque le huitième. Courage, c'est bientôt fini. Pardon, ça va en duo, en fait, les deux. D'accord. C'est pour ça que c'est la deuxième mentalement, mais j'ai expliqué à personne. Ça, elles allaient ensemble. Alors, je ne connais pas. Je n'écoute pas la radio le matin. La radio, c'est nul. Mais... Ah, mais ça date, en plus. Ah, mais moi, c'est encore une autre époque. On est number one. C'est le 6-9. Allez, les copains, c'est parti. Là, on va zooker. Oui, bon, on est prêt. On a la patate. Tous les matins, tu écoutes le 6-9 en stéréo. Ah, moi, j'ai que le mono. En te faisant cuire un œuf de tartine et un choco. Ah, ça te fait monter haut. Ah, quand tu es un peu en bas. Oh, Bruno dans la radio. Ah, Arnaud aussi est là. Oh, y'a Philippe et Mano. Ah, et le père Foura. Oh, ils se réveillent très tôt, ils ont bouffé un zoo. Ah, bon, alors 6-9, c'était quelle radio? Et eh ben le 6-9, putain, je sais plus. Merde! Oh la honte. Putain, oh, j'adore, c'était trop bien tous les matins, c'est quelle radio? Non, mais c'était cette chanson, mais je crois que c'était Énergie. Hein, oui, c'est Énergie. Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu m'as mis le doute. C'est-à-dire, Énergie me paraissait comme une évidence, mais je me disais, putain, attends, est-ce que c'est bien Énergie? Tellement peur de dire une connerie, ça m'a bloqué. Alors, pourquoi celle-là? Parce qu'on est d'accord, c'est une parodie d'une chanson de merde, et c'est pas une chanson en soi qui est super. Musicalement parlant, là, on est dans le bas du panier, d'accord, hein, clairement. Mais... pour moi, elle représente un rêve, celui un jour d'animer une matinale. Rêve que j'ai partiellement réalisé en faisant la mactinale, d'accord ? Qui est un peu la raison, en fait, cette chanson-là, elle est un peu à l'origine, pas du fait de faire du podcast, mais elle y a contribué. Elle n'est pas à l'origine de Pod Radio, mais elle y a contribué. Elle est pas à l'origine de la mactinale, mais elle y a contribué aussi. Parce que franchement, là, en fait, dans toute cette chanson-là, ils disent que leur vie, elle est pourrie, qu'ils sont ils bouffent de la merde à la cantine de la radio, que la machine à café, ça coûte 2 euros et c'est un café dégueulasse. Et bah, bizarrement, ça me fait rêver. J'adorerais faire ça. J'adorerais bouffer dans une cantine de radio dégueulasse, passer mon temps à bosser et être claqué au final, et plus avoir de temps pour faire autre chose que ça, parce que je veux dire, c'est ça a l'air d'être l'éclate, quoi. C'est aussi pour ça que je fais du podcast, et c'est parce que tu vois, là ils disent justement qu'ils ressentent, enfin c'est pas ce qu'ils disent, mais on peut le comprendre en sous-texte, même si je suis quand même en train d'interpréter le texte d'une chanson du 6-9. Mais ils disent que les gens qui ressentent les gens qui les écoutent justement en se faisant une tartine, etc. Et qu'ils sentent qu'ils sont aussi là pour remonter un peu le moral des gens qui se lèvent le matin. Putain, ça doit être bon, ça. T'es à la radio et t'es là pour mettre les gens de bonne humeur. Je veux dire, c'est un putain de bon boulot, quoi. Humainement, c'est un putain de bon boulot. T'as la t'es pression. Faire... putain, t'as la pression d'un côté, mais t'as la pression pour faire le bien, putain. Ça doit être énorme, ça me plairait tellement. Alors après, c'est vrai que c'est du boulot, et ça, c'est justement ce qu'ils sont en train de raconter dans le truc, c'est que, ok, on est les number one, mais au final, putain, on en a chié, quoi, c'est du taf. Et ça, c'est pas quelque chose que t'entends tant que ça dans les matinales. Alors encore une fois, je suis en train de lire le sous-texte d'une parodie du 6-9 sur une musique de Magic System, mais c'est un sous-texte qui, même s'il n'était pas... peut-être volontaire, il est présent quand même. Tu vois, c'est un peu le principe de l'auteur, il voulait juste dire que le rideau était bleu, mais la prof de français dit en fait que ça représente la détresse de l'espèce humaine, oui, oui, etc. Il y a un petit peu cette maladie, ça, chez tous les profs de français, au moins, on a tous vécu ça De français. Mais je pense que honnêtement, là, c'est pas du sous-texte que j'invente, moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Mais au final, ils ont l'air de s'éclater à faire ça. Ils ont l'air d'en chier et de s'éclater. Et un peu comme un sportif, si tu veux, qui dit « putain, j'en ai chié à faire ce putain de marathon », mais qui en même temps est tellement fier de lui. Tu vois, et qui est tellement transcendé par l'expérience, tu vois. Et j'avoue que, oui, j'en ai beaucoup qui crachent sur la radio, et même moi, je l'ai fait, hein. Même moi, pour moi, la radio, c'était l'ennemi pendant un temps et tout, malgré cette chanson-là. Parce que... mais au final, je pense que j'adorerais bosser dans une radio un jour. Bah, je pense que je suis évidemment pas le seul. Alors, tu feras c'est la matinale, moi je ferai la nocturne. C'est pas con. Alors, c'est pas pour ça que je fais du podcast, par contre. Contrairement à ce que beaucoup pensent, qui pensent que les podcasteurs sont des animateurs de radio en puissance qui seraient frustrés. Ou en vouloir, en tout cas. Les animateurs de radio en vouloir. Mais non, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est plus je fais du podcast, et plus j'ai envie de faire de la radio. Plus ça me plairait de pouvoir ça va faire très Master of Puppets, marionnettiste, de pouvoir influencer plein de monde via les ondes hertziennes. C'est terrible, ça fait écho à Fantasia. C'est pas faux. L'apprenti sorcier ? Oui. Effectivement, ça pourrait marcher, mais c'était pas ça que j'avais en tête, mais le problème, c'est que si je le dis de la façon que je voudrais dire, ça fait très gnangnan, et c'est pas ce que j'ai en tête, ça transcrit pas très bien non plus. C'est vraiment c'est transmettre du bonheur en FM, tu vois, c'est très gnangnan. Mais ça, je sais pas, moi, je sais pas, tu sais, il y a des métiers où tu sauves des gens, d'accord, genre t'es médecin, t'es chirurgien, tout ça, tout ce que tu veux. Effectivement, tu peux sauver des gens, et il y en a, tu peux juste les faire sourire le matin. Et ben franchement, ça, je pense que autant sauver des gens et tout, chirurgien, je peux pas, j'ai les mains qui tremblent, honnêtement, rien que réparer les ordis, des fois c'est chiant. Alors j'imagine même pas quand il y a du sang et que c'est tout à l'intérieur. Ça doit être encore plus compliqué. Il y en a, ils deviennent Docteur Strange, donc c'est bon. Mais je sais pas, arriver à faire sourire, je sais pas moi, 1 million de Français. En même temps, il y a quelque chose de transcendant là-dedans. Bon, après, le problème, c'est que tu le sais pas si t'as fait sourire. Tu sais pas si tu t'es pris un gros bide ou pas. Ah, tu le sauras. Mais ça, c'est comme quand je fais un podcast. Oui, c'est comme dans les podcasts. C'est pour faire rire 40 connards qui sont en train d'écouter la 25e heure du 24 sur 27. Mais au final, tu vois, c'est un peu comme le P2P. C'est pour ça, d'ailleurs, que le P2P, la formule, elle s'est stabilisée sur ça, sur quelque chose à partager. Parce qu'au final, et je pense que POF, c'est à peu près la même chose. Ça nous plaît de savoir que bah, les gens, ça va leur plaire. C'est très con à dire comme ça et ça paraît très simpliste, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que nous, on adore quand il y en a deux, trois qui nous disent « Ouais, moi, pareil !» ou « Tiens, vous auriez pu parler de ça, parce que c'est vrai que ça m'a fait penser à... » C'est... On a l'impression d'apporter quelque chose, tu vois. Pourtant, on n'apporte pas de la connaissance, on n'apporte pas du... On apporte juste un peu d'humain. Et c'est ça que je retrouve dans cette chanson-là du 6-9 et dans le concept d'une matinale, si tu veux, c'est que c'est là pour justement... Pourtant, c'est très con, je veux dire, en général, les matinales... Les matinales, ou lapsus. Les matinales, en général, c'est le niveau zéro de l'intelligence. Mais les mecs, sans déconner, il y a du travail derrière. Quand tu écoutes les vieux Nagui et Manu, notamment... Oh, c'était bien. Tu sens qu'il y a du taf derrière, mais il y a un taf de ouf. Et tout ça pour atteindre volontairement le niveau zéro de la connaissance et de l'intelligence. Mais pour que ça aille vite, il faut qu'il y ait toujours une connerie, toujours un truc. Voilà, mais le but, c'est que ça ait du rythme, que ça fasse marrer, que ça réveille les gens. Que malgré qu'il y ait des gens qui soient des candidats qui soient au téléphone, où c'est très dur à gérer, parce que j'imagine bien ce que ça doit être. parce que eux, justement, ce rythme et tout, ils l'ont pas, donc il faut que tu improvises quand eux, ils mettent des blancs. Tu fais tout ça juste pour faire marrer les gens et juste pour les réveiller. C'est un boulot merveilleux, quoi. C'est un boulot formidable. J'adorerais l'avoir. Si un jour il y a quelqu'un qui écoute ça, putain, si un jour je finis sur la radio, ça va être une casserole aussi, clairement. Non, parce que moi aussi, comme je disais, je ferai les nocturnes avec une grosse voix. Si un jour, malheureusement, George Lang meurt, je le remplace. Mais tu sais, j'ai une idée. Ça serait pas con. Parce que toi, t'as envie de faire le soir, et moi, j'ai envie de faire le matin. Si tu veux, on pourrait contacter d'autres podcasters. Qui font l'après-midi. Et tous ensemble. Et ouais, et tous ensemble, on ferait une radio. Ah merde, non, c'est bon, j'ai déjà fait. C'est bon. ouais, dommage. Mais c'était ça l'idée originale de Pod Radio. C'était juste que c'était ingérable au quotidien. Non, mais parce que j'ai besoin de dormir aussi. J'ai besoin de gagner ma vie aussi. Aussi, accessoirement. C'est con. Mais parce qu'au début, on imaginait vraiment pouvoir faire une radio qui... Et même, on avait trouvé une bonne astuce pour la matinale. Comme, en général, la radio, tu l'écoutes un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, sauf si tu l'écoutes dans la voiture, mais on imaginait que les gens écoutaient plutôt le matin en buvant leur café, en regardant Twitter ou en regardant leur mail, devant l'ordinateur, du coup. Du coup, ça correspondait à peu près un quart d'heure, 20 minutes d'écoute. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait 3 heures. Et d'un jour sur l'autre, on décalait d'un créneau d'un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui, enfin, techniquement, d'un créneau d'un quart d'heure. Ce qui veut dire que chaque jour, si t'écoutais au même horaire, t'écoutais pas la même période, la même partie de la matinale. C'est honteux. Mais non, c'est génialissime. Ne dis pas que c'est honteux. C'est le principe de comment faire en sorte que les gens ne tombent pas tout le temps sur la même chose en enregistrant qu'une fois. Et comment faire de pas en sorte de pas avoir trop de pertes. C'est de l'optimisation, monsieur, c'est de l'ingénierie. Je ne vous laisse pas dire, je ne peux pas vous laisser dire que c'est honteux, quand c'est justement une des idées les plus géniales qu'on ait jamais eues. Bon, après, on a arrêté de faire la matinale parce qu'on avait la flemme, parce qu'en plus, il fallait faire plein de petits morceaux d'un quart d'heure, c'était chiant. Et puis, ça m'en fait marrer certains. Tu sais que je gueule souvent pour les gens qui mettent une musique en entier à la fin des podcasts. Bah nous, sur un quart d'heure, on faisait 10 minutes de news, et encore de news entre guillemets, et ensuite on mettait une musique en entier. Est-ce que c'est encore l'optimisation, ça ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le seul moyen qu'on avait pour que pour qu'on puisse introduire la musique. Parce que sinon, on savait pas laquelle serait diffusée, vu que c'était aléatoire, pour le radio. Oh mon dieu. Et ouais. On va passer au titre suivant ? Parce que bon, c'est pas tout ça, j'essaie de travailler demain quand même. Oui, non, mais on va aller vite après. Je compte pas sur toi, mais on va aller surtout vite. Que celle-là, elle va aller vite. Je te rassure. Oui, Oowoop. Parce que j'aime bien, je l'ai utilisé pour mon Oowoop. C'était bien à l'époque. Et je crois que Musica en a parlé aussi. Et puis Arnaud Doucet aussi, je crois. C'est un artiste qu'on retrouve relativement souvent dans la playlist. Sting, oui. Avec Englishman in New York. C'est marrant, j'imagine tellement cette musique-là le matin. Ah non, moi c'est plutôt la musique que je vais écouter le soir. Tu sais, le moment où tu t'as fini de manger, t'as fait tout ce que t'avais à faire, t'as même regardé ta petite série, et c'est ce moment de calme juste avant d'aller se coucher. Ce moment où, bah, dans mon cas, je fume ma dernière clope avant d'aller me coucher, juste avant de me laver les dents. Ce petit moment hors du temps, qui va durer 5-10 minutes, où c'est le calme du début de la nuit. Et pour moi, elle est vraiment dans cette ambiance-là. Elle est vraiment dans une ambiance de... J'ai envie de dire, de fumoir, si tu veux. Oui. Tu sais, où à la fin du dîner, ils allaient se poser dans le fumoir pour fumer un cigare et boire un verre de brandy et refaire le monde. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce moment-là où le monde continue à tourner et je m'en fous. Tu vois ? Ou il s'arrête de tourner, au choix, peu importe. Tu vois, c'est vraiment hors du temps à ce moment-là. Et cette chanson-là, elle accompagne tellement bien ce moment. Elle a, en même temps, tu vois, c'est Englishman in New York, donc t'imagines bien aussi l'anglais aristocrate. Justement, tu vois, il dit qu'il est avec sa canne, tout ça. Il parle des manières, vu qu'il dit qu'un homme n'est rien sans les manières, tu vois. On est. Et en même temps, on est sur un personnage qui est pas tout à fait intégré dans la société dans laquelle il vit, qui prend de la distance vis-à-vis du monde dans lequel il est. C'est aussi, quelque part, quelque chose qui me définit un petit peu. Il est un homme complexe. Non, pas un homme complexe, mais un homme qui a ses propres codes et que les autres comprennent pas. Et que et il le dit d'ailleurs dedans, c'est be yourself no matter what they say. Sois toi-même quoi qu'ils disent. Ce qui est presque un motto, si tu veux, pour moi, c'est que je retrouve dans cette chanson. Hein. C'est pas un motto pour moi dans la vie. Parce que c'est très dur à avoir comme motto dans la vie. Soit toi-même, quoi que pensent les autres, c'est très difficile. Mais au final, tu vois, t'es justement avec cet anglais qui a ses propres codes, ses propres manières, qui veut continuer à être un gentleman, alors qu'il est dans un pays qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes codes. Et qui donc, du coup, il dit que alors quand il dit « I'm an alien », il dit pas qu'il est un extraterrestre, hein, d'accord ? Oui. Alien, en anglais, c'est aussi un étranger. Mais quelque part, je me demande s'il n'y a pas un double sens là-dedans, au sens vraiment, je suis un étranger, parce que c'est vraiment la traduction, alien, c'est un étranger. Mais je suis aussi étranger à ce monde, d'accord ? Ou ce monde m'est étranger, parce que ça marche dans les deux sens. Et ça, tu vois, on revient sur le questionnement qui a été introduit par le film Matrix, d'accord ? Mais sur un point différent, c'est vraiment... je regarde les gens autour de moi et je me reconnais pas dans eux, quoi. Et c'est très difficile de pas plonger dans essayer de juste reproduire les schémas que je vois chez les autres pour mieux m'intégrer. D'ailleurs, c'est très difficile pour beaucoup de personnes de justement pas... prenons un exemple classique, hein, mais je sais pas, moi, tu vas aller dans un bar PMU, imaginons, je vais jamais dans les bars PMU, mais... Et puis, tu vois, t'en as plein qui vont commencer à faire des grosses blagues racistes et sexistes. À un moment, tu vas pas te lever et te leur dire, bon, écoutez, là, vous avez dépassé les bornes, je me casse. Tu vas soit rien dire, soit quand ils vont te taper dans le dos, tu vas faire ouais, voilà. Et tu vois, c'est typiquement ça, le be yourself no matter what they say, et toute la difficulté qu'il y a à suivre cette règle de vie qui paraît tellement évidente, mais qui est en même temps tellement difficile à suivre. Et donc pour moi, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Englishman in New York, parce que c'est littéralement... quelque chose qui définit pas mal de monde, parce que je pense pas être le seul, loin de là, surtout dans la communauté des podcasteurs, où parler tout seul face à un micro, ça paraît bizarre pour pas mal de gens. Et non, mais tu n'es pas tout seul, je suis là pour t'écouter et noter tout ce que tu dis. Non, mais je dis, je dois pas être tout seul dans ce cas-là, à ressentir ça, tu vois. C'est-à-dire à ressentir ce côté étranger de la société vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis de la société, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'était pour ça Englishman in New York, et aussi parce que pour moi la chanson que quand je ressors le sax, c'est celle que je joue, parce que elle est très agréable à jouer au sax. Elle est pas très difficile d'ailleurs, jouer la mélodie au sax, ça va. Il y a pas trop de dièse et de bémol. Parce que faut être honnête, je sais pas s'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui ont déjà essayé de jouer du saxophone, mais vous vous rappelez les dièses et les bémols de la flûte à bec ? Déjà c'était chiant parce qu'il fallait appuyer sur certaines combinaisons de trous, tout ça. Là en plus il y a des espèces de clés, c'est-à-dire des touches supplémentaires, et honnêtement des fois passer d'une note à une autre note, on a l'impression de devoir faire de taper une lettre à faire le Konami Code d'un coup avec tous ses doigts et très rapidement. C'est extrêmement chiant. J'ai envie de dire, c'est la difficulté principale du saxophone, à mon sens, c'est de me rappeler de l'ensemble des codes de dièse et de bémol. Et c'est vraiment ça qui me bloque pour continuer à m'éclater à faire du sax, quoi, parce que, outre le fait que maintenant je suis en immeuble, bien entendu, et que pour l'instant je tiens à m'entendre avec mes voisins. Oh, ça durera pas. Si mes voisins me font chier, j'ai quand même un truc qui est capable de sortir plus d'une centaine de décibels, donc ça devrait aller. Ah, t'as un enfant ? Non. Un saxophone. Ah d'accord, bon, ça suffit largement, c'est vrai que c'est peut-être moins cher. Saxophone qui trône dans mon bureau, qui traîne aussi parce qu'il a pas trop bougé, mais tu vois, je le revendrai jamais, je le jetterai jamais, même si un jour je dois plus en jouer pour X, Y ou Z raison. Tu vois, ça fait partie des choses qui me sont proches, et cette chanson y est fortement associée, forcément. L'Arme Fatale 3, It's Probably Me, un très très beau titre de Sting aussi, mais je crois qu'il y a eu du saxophone dedans, tu l'as jamais tenté ? Non, je l'ai jamais tenté, mais parce que justement, si tu veux, déjà j'ai rarement l'opportunité de rejouer des morceaux, donc j'ai tendance à en jouer principalement deux, et surtout parmi les deux, un, et c'est Englishman in New York. Non, c'est vrai que j'en ai un troisième aussi, j'ai End of Sunshine, que je joue aussi au sax. Mais parce que tu vois, j'ai tellement peu l'occasion d'y jouer que je n'ai pas l'occasion de les travailler, les morceaux. Donc c'est vraiment que ces morceaux spécifiques, parce qu'ils sont ils sont pas si difficiles que ça, et ils t'apportent du plaisir, entre guillemets, directement, sans que t'aies à passer des heures et des heures à les travailler, quoi. Donc c'est pour ça. Mais pourquoi t'as appris le saxophone au départ ? J'ai toujours adoré le son du sax. Il y a un côté tellement chaud dans le saxophone. Je saurais pas le décrire, c'est vraiment le son qui m'a plu. À chaque fois qu'il y avait du sax, j'ai commencé à en faire, j'avais 10-12 ans, hein, c'était... Normalement, j'étais pas censé démarrer à ce moment-là parce que j'étais pas censé avoir la cage thoracique suffisante pour, mais vraisemblablement je l'avais. Et à chaque fois, donc pendant un ou deux ans avant que mes parents cède au fait de m'acheter un saxophone, de me payer des cours de saxophone. Oui, je sais. Non, mais je sais, ça fait très nantais. Généralement, les parents cèdent à la flûte parce que c'est obligé au collège et ils regrettent. Alors là, céder pour un saxophone, ils ont regretté 10 000 fois. Non, ils ont regretté que j'ai arrêté au bout de 3 ans. Ah oui. Parce que voilà, ils disaient, c'est dommage et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, pour faire simple, je l'avais par erreur cassé. C'est-à-dire, j'avais mis sur son support et il s'était pété la gueule. Enfin voilà. Et du coup, ils ont dû le faire réparer et ça coûtait relativement cher de le faire réparer. Et du coup, ils ont dit, par contre, il va falloir que tu travailles un peu plus ton saxophone. Et du coup, bah, ils m'en ont dégoûté. Et c'est ça un peu la tristesse du truc. Et comme j'étais vraiment tout jeune et vraiment très con, du coup, quand j'ai eu fini, entre guillemets, de rembourser la réparation du saxophone en m'entraînant, parce que c'était ça le deal, en fait. De dire, voilà, bon, ça a coûté tant, et on va considérer qu'à chaque fois que tu t'entraînes, tu rembourses la réparation du saxophone de tant. Et ben du coup, quand j'ai eu fini de le rembourser, j'ai dit, non, c'est bon, j'arrête, ça m'a dégoûté. Et je regrette beaucoup, en fait, ce choix. Je regrette tellement ce choix. Est-ce que tu aurais pu être Lisa Simpson? Bah, tu sais que c'est un personnage dans lequel... Tu sais que c'est un personnage dans lequel je me retrouve vraiment. Hein. Je veux dire, la tête de premier de la classe qui s'en prend plein la gueule par justement les cancres qui font que la bâcher et qui se retrouve dans la solitude et la musique. Ouais, je me retrouve un peu là-dedans. À part que mon père et ma mère, c'est pas Omar et Marge Simpson, heureusement. Mais vraiment je me retrouve pas mal, donc oui, je comprends je me retrouve un peu dans Lisa Simpson, mais non, je pense pas que j'aurais été Lisa Simpson non plus, mais alors il va falloir que tu m'expliques. Ouais. Les gens qui jouent du piano, ils disent que c'est un piano. Les gens qui jouent de la guitare, ils disent que c'est de la guitare. Les gens qui jouent du saxo, ils disent que c'est un sax. Comment ça se fait? Bah parce qu'en fait, déjà, un saxo, je sais pas trop utilisé. Et puis, le nom complet, c'est saxophone. Et c'est un peu long. Donc, du coup, un sax, c'est très bien. C'est quoi? Juste parce que c'est plus classe, sax? Parce que vous la pétez déjà pas assez avec un saxophone? Non, parce que c'est plus court, c'est tout, c'est un diminutif. Le flûte, tu vas pas mettre un diminutif à flûte. C'est déjà le flûte. Moi, je joue du piano. C'est déjà un instrument de merde. Je joue de la guitare. Je joue de la basse. Non, par contre, de temps en temps, tu vas dire que tu vas sortir la gratte. Oui, parce que je vais faire un petit solo de clair. Non, il y avait non, mais parce que c'est un bon diminutif, un sax. Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Puis je vais pas parler au nom de tous ceux qui jouent du saxophone, surtout que moi, j'en ai pas joué depuis un petit moment. Donc. Si vous êtes joueur de saxophone, dites-nous pourquoi, putain, tout le monde appelle ça un sax. Parce que je pense que la réponse est simple, parce que c'est plus court. Mais non, on joue pas de la batte, on joue de la batterie. Ah, forcément, c'est... Mais batterie, c'est 2 syllabes. D'accord? Oui. Saxophone. Voilà, 4, trop long. Clarinette. Ils jouent de la clarinette, pas de la clare. Ben, ça se trouve, ils ont peut-être un diminutif pour la clarinette. Si vous êtes joueur de clarinette et que vous nous écoutez, déjà, vous n'avez pas de chance. Clarinette. Mais dites-le nous. Non, mais sans déconner, il y a peut-être un diminutif pour la clarinette, parce que j'imagine pas qu'ils utilisent un mot aussi long tout le temps. Est-ce que le mec qui joue de la contrebasse, il joue de la contre? Ou de la trompe? Je sais pas. Je pense qu'il appelle ça le gros machin. si vous jouez des instruments qui a un nom de plus de 6 lettres, dites-le nous. Ça m'intéresse beaucoup. Non, mais sans déconner, je sais pas, moi... Je sais pas, moi j'ai dit sax parce que mon prof il disait sax, parce que tout le monde disait sax. Oh le mou. Et voilà, c'est parce que quelque part, je sais pas moi pourquoi t'appelles un chat et un chien quoi, parce que bah, c'est comme ça qu'on t'a appris, parce que c'est le mot que tout le monde utilise. Dans l'absolu, tu veux remettre en cause toute la langue française, c'est ça? Non mais t'as un labrador, t'as un labrador, t'as pas un lab. Ah, tu joues du saxophone ou tu joues du sax? Non, mais il y a cette imagerie du sax qui est à la fois un peu black et classe en même temps. Pas que les blacks puissent pas être classe, mais il y a cette double imagerie, hein, c'est peut-être dans ma tête, c'est ce mythe, du côté entre guillemets un peu sexy, mais un peu black en même temps. Pas que les blacks ne puissent pas être sexy, mais... Mais une des explications pourquoi ils disent un sax, si tu veux, c'est aussi parce que c'est les abréviations qui sont utilisées sur les partitions, en fait. Ah. Les partitions de musique. C'est les abréviations officielles. T'as été plus rapide que moi sur Wikipédia? Non, je suis tombé sur un truc de formation musicale avec les abréviations de tout. Donc ça se trouve, ils disent la clara Ah, pour la ah, clarinette. C'est ah, possible. Apollinaire revient par pitié. Voilà. Alors après, faudrait demander. Mais c'est une très très bonne question. Moi, je me la suis jamais posée, hein. Mais c'est une question intéressante et assez drôle, j'avoue. Je crois que ça va être la question subsidiaire pour toute cette saison. Putain, pourquoi ça s'appelle un Pourquoi les... sax? Je pense que c'est juste parce que c'est plus court et que, quitte à choisir une abréviation entre saxo et sax, ils ont choisi celle qui était marquée en haut de la partition. Je pense que c'est aussi Ou bête alors que peut-être ça. parce que l'inventeur c'est Adolphe Sax, mais alors c'est vraiment un gros coup de Ah bah bol. du coup, c'est... Du coup, non, mais non, sachant qu'en fait, ça s'appelle saxophone parce que l'inventeur, je crois que c'est, il s'appelle Sax. Du coup, c'est logique qu'on l'appelle du nom de l'inventeur, effectivement, quitte à choisir un diminutif. Ouais, non, je sais pas, j'en ai aucune idée. J'aime bien dire de la merde sur des sujets que je connais pas, mais là, là, je sèche un Voilà, avec peu. la Hein. clarinette, on devrait appeler ça un Denner, parce que c'était inventé par Johann Christoph Denner. Non, ça colle pas, ça fonctionne pas. C'est possible. Écoute, ça se trouve, hein, Dites-le nous dans les je ne sais commentaires que j'ai pas sur le site, pas. mais peut-être sur Twitter, ça Oui. m'intéresse. On va quand même se diriger à pied vers la fin de cette playlist. Dixième titre, je crois que c'est. Alors, on n'est pas tout à fait sur le titre de la honte. Mais je pensais en fait, mais non. C'est Mais plus non. un gimmick. C'est plus quelque chose qui te poursuit. On est sur le... Tu vois, j'avais tout à l'heure donné la chanson qui était la chanson de mon pseudo, si tu veux, la musique de mon pseudo, la bande originale de mon pseudo, formulation qui était bien meilleure et que tu m'as donné tout à l'heure, et que je vais garder désormais. Hein. Et là, on est sur la bande originale de Feel Good Podcaster, cette fois-ci. Et Feel Good au sein de sa bande de frappés qui font du podcast. Et donc du coup, on va parler d'une chanson qui me colle un petit peu à la peau, tant et si bien que c'est devenu un gimmick en début de Podren, ou enfin à Podren à chaque fois, c'est systématique. C'est devenu aussi le petit truc qui pop de temps en temps sur ma Pebble et qui me fait vibrer la montre à des heures pas permises. Généralement, ça arrive par grappe. Deux, trois, quatre personnes qui me rappellent cette chanson. Et là, je pense que pour ceux qui connaissent et qui sont dans la boucle, voire même les acteurs pour les trois quarts, ont déjà compris de quelle chanson je veux parler. Et donc, du coup, on va la mettre. Oui, on va s'écouter Clockworks de Meshuggah. Tout à fait. Exactement. Non, Lily Cube, voyage en Italie. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Comment Et c'est né dans ça? le ciel, il y aura des étoiles. Eh ben, c'est venu du fait que jamais il faut dire quoi que ce soit à péremptoire. Voilà, c'est en fait si on doit tirer une leçon de cette chanson, tu vois, j'avais dit que toutes les chansons de la playlist, elles me définissaient un peu. Et là, cette chanson, elle définit le sentiment de trahison que j'ai eu en confiant quelque chose à péremptoire, qui m'a donc bien appris sur la réelle, Perfidie de comment cet dire, homme. la réelle, non, la réelle perfidie de l'espèce humaine, et précisément cet homme. Non, blague à part, j'ai eu le malheur de dire à péremptoire un jour que j'avais des chansons qui me tournaient facilement dans la tête. Dont surtout celle-là. Et finalement, et je vais pouvoir le dire dans la playlist, je l'avais déjà dit à Milou dans la voiture à Podren. Oui, là, il y aura un peu plus d'auditeurs. Enfin, j'espère. Voilà. Et ça va en dégoûter pas mal, mais en fait, ça doit bien faire 4 mois que cette chanson, elle me tourne dans la tête toujours quand on me la cite, mais où ça dure pas plus de 3 minutes. Heureusement pour ta Parce santé que mentale. plus ça va, plus il me vaccine de cette chanson, en fait. C'est-à-dire que maintenant, bah, c'est bon quoi, je l'ai 3 minutes, le temps de la chanter en entier dans ma tête, si tu veux, sans même y prêter attention. Et après c'est fini, alors qu'avant ça pouvait durer la journée. Mais genre, et des fois même plusieurs jours, surtout s'il y en avait qui me le rappelaient, mais des fois naturellement plusieurs jours. Je crois que le record, je l'ai eu dans la tête pendant une semaine. Waouh. Mais du coup, vu que forcément mon esprit fonctionne toujours de la même façon, il a remplacé cette chanson. Tu vois, la fameuse chanson qui tourne facilement dans la tête a été remplacée par une autre, parce que c'est, je peux pas me débarrasser du principe d'avoir une chanson qui me tourne facilement dans la tête. Celle-là, et ben, je suis très content que la communauté des podcasters ne la connaisse pas. Tu la lâches un moment à un autre. Je pense que... Non, mais le Milou la connaît déjà. j'ai eu le malheur d'ouvrir ma gueule. Le Milou, et je si sais tu n'as que pas là... une petite bite, tu vas la balancer sur Twitter dès que tu écouteras ça à la place de ce week-end. Et là, je sais très bien que le Milou, il est tellement content d'être le seul à avoir cette information. Mon pof, là aussi, bien entendu. Mais voilà. Donc, et là, l'autre chanson, on parle de 3 semaines hein, dans la vie. Donc, gros dossier, je l'écoutais en boucle pendant 3 semaines, j'en pouvais plus. Voilà. Pof, on pouvait plus non plus aussi, parce que forcément, du coup, je la mettais en boucle même quand on était ensemble. Donc, lui, non plus, il la supporte plus, cette chanson. Donc, voilà. Donc, du coup, bon courage à vous, bon défi. Et le Milou, t'as intérêt à tenir. Je rappelle que j'ai des photos de toi. Voilà. Alors, je rappelle quand même que malheureusement, bon, y a quelques auditeurs qui te connaissent en même temps. Je pense qu'ils vont commencer à chercher c'est quoi ce titre-là qui te rend fou au bout de 3 semaines. Je pense. Bah, vraiment pas de bol, hein. Ouais, c'est pas de bol. La volette ? Non, c'est d'accord. Pas la volette. Non, ça marche plus. Ça a marché, allez, 2 semaines après la première fois que j'ai regardé Kaamelott. Mais... enfin, cet épisode-là en particulier, mais. Parce que c'est vrai que ça marche bien. Ouais, reste. Le mec, il est quand même arrivé à faire une chanson qui tourne dans la tête, et c'était prévu, et c'était la vanne, et ça tourne dans la tête. Malgré qu'il t'explique comment t'es censé pouvoir t'en débarrasser, et ça marche pas. Il est trop fort, ce mec. Ce mec est un génie. Mais de toute façon, Alexandre Astier est un génie. Oui, c'est clair. C'est un génie du mal, je pense, sur certains aspects, surtout sur à la volette. Mais ce mec a tellement de talent. Je le déteste tellement. Je l'envie et je le déteste. Et je l'aime en même temps. J'ai des sentiments très mitigés sur Alexandre. Il a beaucoup, beaucoup travaillé aussi. C'est pas non plus... Ah oui, non, mais c'est clair. Mais en même temps, il y a plus de travail que ce que je serais capable de me sortir les doigts du cul à faire. Et il y a aussi beaucoup plus de talent que ce que j'en ai déjà à la base, quoi. C'est-à-dire, le mec, il a du talent et il a travaillé sur son talent, alors que beaucoup de personnes qui ont du talent en profitent pour rien branler. Je sais, parce que c'est ce que je fais dans mon domaine. Je dis pas que j'ai énormément de talent, mais j'en ai suffisamment pour jamais avoir à vraiment forcer, parce que c'est devenu naturel. Le seul talent que j'ai, c'est de trouver des gens pour venir dans la playlist. C'était sur le travail à ma place. Ça, c'est ça qui est bien. Ça, c'est un bon talent que tu partages avec notre ami péremptoire. Oui, mais moi, je reste à des émissions, puis je les fais durer plus de 3 épisodes. Oh, ça tacle. Non, je ne parlerai pas de Hors-Cadre, qui a fait son best-of au bout de 3 épisodes. Et ça s'est arrêté là, oui, non ? Ah non, il y en a eu un autre après ? Ils veulent en faire un autre, mais l'année prochaine. Mais ça fait pas depuis 2 ans qu'ils disent que c'est l'année prochaine ? Ah, non, c'est le principe. C'est ce qui me semble. Très drôle. Ouais. Donc une vire à deux, au final, c'est bon, t'en es revenu. Ouais, j'en suis revenu. Mais ça reste quand même une chanson qui me fait marrer quand je la vois passer dans qui à la fois, tu vois, m'énerve parce que je sais que c'est pour me faire chier. Donc du coup, ce sentiment-là, tu vois, je fais putain les cons. Mais je dis les cons avec le sourire, tu vois. Donc ça, j'aime bien ce gimmick. Je veux bien le garder. Ce qui veut donc dire, si je veux bien le garder, que les gens vont s'arrêter instantanément. Mais c'est un peu la tristesse, mais voilà. Mais je sais qu'ils sont partis tous, ça y est, pour la quête du fameux Saint Graal. La fameuse chanson ce qui sera va faire chier de 2016 aux autres. Oh oui, mais j'aurais pu fermer ma gueule aussi, oui, c'est ça le truc. Mais j'aime bien cette attention. Je la vois vraiment comme une attention sympathique. c'est vraiment à des moments complètement random, des gens pensent à moi. Et je peux pas du coup leur en vouloir de vouloir me taquiner à ce moment-là, tu vois. Je trouve ça cool, je trouve ça sympa, ça me fait sourire. Si jamais vous la trouvez, voilà. Pendant que je suis pas là, vous me dites ce que c'est. Jamais. Plutôt. Oui, parce que je rappelle que j'ai des photos de le Milou à poil. Et le Milou, c'est le seul qui sait. Parce qu'il était dans la voiture quand on a écouté ça et que j'ai eu le malheur de le dire. Oui, il y a Pof. Mais Pof, j'ai une confiance infinie dans Pof. J'ai pas besoin d'avoir de dossier sur lui. Ou d'avoir des photos de lui à poil à diffuser. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des photos de Lemilou à poil, c'est simplement qu'on était en train de on était tous à Podren. Du coup, quand on était à Podren, et bah, du coup, Lemilou a partagé la chambre de 4 avec nous. Et donc, forcément, quand les gens se sont changés, j'ai voulu faire du Podren Chronicles. Et il y a des photos qui, parmi celles que j'ai prises, n'étaient pas envoyables sur Twitter. Et du coup, je n'ai pas envoyé. J'ai envoyé que les plus soft. Pas celles où ça ballotte, du coup. Voilà. Merci de ce détail incroyable. Ouais. Et du coup, vu qu'on parle de honte... Oh, t'es chiant, merde, fais chier. Je suis le roi de la transition. J'adore ça. Non, tu adores manipuler des fois, je fais des transitions qui servent à rien. C'est pas pareil. Aussi. C'est peut-être parce aussi. Que j'ai juste en podcast. Mais je suis trop fier des fois des transitions que je fais. J'adore. J'arrive à relier des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. C'est un exercice mental Bref, super sympa à faire. La honte. C'est de quand ça date? Non, on va arrêter la playlist, s'il te plaît, parce que là, ça fait combien de temps d'enregistrement déjà? Clic. Ouais, 2h36, oui, non, bah, c'est court. Non. C'est très court, 2h36. Donc, ça va être l'instant du titre de la honte, et comme le veut la tradition, je ne vais rien dire, je vais juste lancer la musique et tu vas nous expliquer pourquoi. Je sais que c'est toi. Oh là là, non. Oh, vas-y, c'est en train de ficher ça. Reste. Ah non, mais là, il faut parler, hein. Je vais pas écouter ça en entier. Ah non, non, non, je laisse les gens savourer cette sombre blouse. Bah, je dis cette sombre blouse, mais je l'ai dans ma bibliothèque iTunes. Parce que justement, je voulais illustrer une belle chanson de merde, mais qui me sert à me ramener un souvenir. Et aussi, je veux illustrer ce que je disais tout à l'heure, où on dirait que c'est vachement préparé, mais en fait, non, c'est juste que c'est logique. Je voulais illustrer aussi le côté de quand t'es gamin, tu écoutes les paroles et tu fais « Ouais, c'est trop ça !» Et surtout sur les chansons d'amour. Et celle-là, on est typiquement dans le genre de chanson où quand t'es gamin, enfin quand t'es pré-ado et ado, T'écoutes les paroles et tu fais « Ouais, l'amour, c'est trop beau et tout. » Et quand tu écoutes ça, quand t'es adulte, tu fais « Mon Dieu, mais comment j'ai pu aimer cette musique ?» Et là, honnêtement, je pense qu'on peut pas faire mieux que celle-là pour ça, quoi. Tu vois, parce que toutes les filles disaient « Ouais, je voudrais trop ça, je veux qu'il soit près de moi, tu vois, tout ça, je voudrais qu'il me prenne dans ses bras. » Et nous, on disait « Putain, oui, Laurie, on veut carrément la prendre dans nos bras et la prendre tout court. » Et donc, du coup, voilà, c'est typiquement la musique de merde, quoi. Mais c'est la musique de merde qui est devenue culte, déjà parce qu'elle est tellement de merde qu'elle pouvait que devenir culte, mais elle pouvait pas devenir autre chose, elle pouvait pas devenir bien, quoi. Mais où, voilà, elle nous a marqué quand même suffisamment, tu vois, c'est... Du coup, je pense que tout le monde la chantonne, là, en l'écoutant un petit peu, ou suit les trucs, la connaît plus ou moins par cœur, mais assume pas de, au fond, avoir une certaine tendresse pour cette chanson. Tu vois, parce que ça rappelle une époque, parce que ça rappelle comment on était con à l'époque, et que on se fait un petit clin d'œil à son soi du passé quand on écoute ce genre de merde. Et tu sais, un petit côté condescendant, un petit côté être le grand frère de soi-même, si tu veux, quand tu réécoutes ça et que tu dis « Putain, toi du passé, t'étais vraiment un petit con. » Et je sais pas, je trouve ça sympa de pouvoir faire ça. Et encore une fois, la musique, c'est le seul média dans lequel on peut faire ça. Le grand frère de soi-même, c'est le concept. Bah oui, mais au final, quand tu te rappelles de comment t'étais à l'époque et que tu regardes ça avec un regard de grand, bah au final, tu peux considérer que tu te regardes comme un grand frère aurait pu te regarder à l'époque. Alors méfie-toi, je connais des gens qui ont essayé d'être leur propre grand-père, surtout dans des fictions, ça s'est très très mal passé. Oui, ça s'est effectivement pas très très bien passé. Faudrait demander ça. Ouais, je sais pas s'il se souvient, mais malheureusement. Bah, techniquement, il s'en souvient pas encore. Oui, alors il s'en souvient déjà. Ou il s'en souvient déjà, c'est vrai. Ou les deux à la fois, d'ailleurs, techniquement. Faut demander à sa grand-mère. Ouais, qui l'a très bien connu. C'est ça. Au sens biblique du terme, d'ailleurs. Ah non, mais le sens biblique du terme de connaître, c'est pratiquer la chose. Non, mais je sais très bien. Ah, d'accord. Non, mais je sais pas. Je dis ça aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oh, il a baisé sa grand-mère dans le passé, voilà. Voilà. Ah non ! On dit pas ça, on dit faire la chose. Du coup, de toute façon, la chanson est terminée, heureusement. Ouais, mais c'est pas plus mal. 2h40, mais voilà. Laissez-moi partir d'ici. C'est pas possible. Et, mais on t'avait dit de pas m'accepter. On t'avait Personne prévenu. Personne ne me Je veux l'avait dire, c'est dit. Pas comme si ma réputation me précédait pas sur ce point-là. Personne ne m'avait prévenu. Tu as fait pire c'est que vrai. Karine. Karine que j'embrasse d'ailleurs. Parce que... Effectivement, sur ce point-là, je pense qu'on est l'homologue l'un de l'autre. En termes de pas fermer sa gueule, je pense que là, on n'a pas envié l'un à l'autre. Et c'est pour ça que j'étais un peu triste que pour le 27 sur 24, elle ait été un peu intimidée par la caméra, par le truc. Et je voudrais tellement qu'elle revienne pour que, limite, le 27 sur 24, on fasse presque à deux parce qu'on sera inarrêtable l'un et l'autre. Quoi. C'est... Donc elle revient quand elle veut. On fera une playlist pour le 27 sur 24 de minuit à 5h du matin. Je vous inviterai tous les deux. Ah, ça serait bien ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire la playlist pour le 27 sur 24 vu qu'on pique les concepts des autres. Bah, ce qu'on pourrait faire, c'est que je vous propose, je vais enregistrer des voix à l'avance. Mm-hmm. Oui. Alors comment avez-vous connu Mais sinon, tu... Et t'as juste à balancer au fur et à mesure pour relancer. Sinon, tu viens animer la playlist pendant le 27 sur 24. J'ai un travail. T'as un travail? Tu peux pas poser un jour? Oh non, faut que je pose deux jours. Pourquoi faut que tu Parce que je travaille le samedi aussi. Mais non, mais justement, tu poses le samedi, tu viens le faire dans la journée. Il faut c'est loin. Mais tu fais par un mumble? Non, c'est compliqué. Mais c'est comme quand tu fais une émission normale. Mais 5 heures! Je m'arrête quand pour faire pipi? Mais non, mais pas 5 heures, ça durera 3 heures. C'est déjà en train de durer 3 heures maintenant et j'ai du mal à tenir psychologiquement. Alors non, ça va pas être possible. Et encore, ça va, j'y suis allé mollo sur la dépression. C'est pas faux. Bon, on va arrêter cette émission, ça devient insupportable, c'est beaucoup trop long. Mais non, il reste une musique libre de droit. Oui, mais celle-là, je la fais à la fin. Ah oui, ouais. Parce qu'on... Et tu l'introduis pas? Si, si, donc je vais t'expliquer comment on va faire. On va arrêter tout de suite maintenant cet épisode, on va recréer un deuxième épisode pour nous dire où on te trouve sur Internet. Que ça va au moins durer 3 heures. Pourquoi? Où on me retrouve sur Internet? Mais non, mais c'est simple. Où on me retrouve sur Internet, tu vas sur good.so, good.so, et là tu as partout où on me retrouve sur Internet. Ah bon? C'est aussi simple que ça? Ouais. C'est aussi simple que ça. J'ai simplifié le processus, ça me faisait chier de raconter à chaque fois. C'est vrai que c'est vachement plus pratique. Voilà. Bah ouais. Et en plus, c'est un joli site qui est un template tout fait, juste modifié, avec ma photo et tout, où c'est marqué The Man with the Method, où t'as du papier quadrillé derrière, parce que ça correspond bien au côté bien carré et bien cartésien de moi qui veux tout contrôler et planifier le monde. Et voilà. Donc on te retrouve sur Podchose, sur Pod Radio, sur Podcloud, sur le 2724 et sur Chronique sur Techcraft maintenant. Aussi. Mon dieu. Ah oui, j'aime bien le principe. C'est vrai que toi aussi, tu es un toi qui t'y connais. Exactement. Ah, j'aime bien. C'est aussi ce genre de phrase qui commence bien par « Ah tiens, mon ami, comment ça va ?» Bizarrement, ce genre de truc, ouais. Ça commence très très mal. C'est ça. Ah ben là, en ce moment, je me retrouve à préparer deux ordinateurs pour la mère de ma copine et la sœur de ma copine. Tu sais, c'est le principe de « Eh, au fait, ça te dirait de juste trouver un ordi d'occasion ?» Et oui. Parce qu'il y a ma mère et ma sœur qui cherchent un nouvel ordi. Ouais. Bon, du coup, je les reçois. Les deux sont pas à jour. J'installe sur l'un. J'essaie de mettre à jour. C'est la galère. Faut que je crée une clé USB bootable. Ça veut pas se faire. Ça plante au bout de 20 minutes plusieurs fois. Je perds l'après-midi. C'est le truc. À la base, c'était simple. Je devais juste vérifier s'il marchait. Et puis après, j'ai décidé de vouloir faire un peu mieux et ça m'a pété à la gueule. Ah oui, parce qu'aussi, je me suis bien fait niquer comme un bleu. Ça, c'est Faut jamais le dire. Faut jamais dire oui, je vais te le faire. Non, je ne dépanne pas ton ordinateur. Non. Entraînez-vous à dire ça. Ah ouais, ça. Non, mais moi, il y a le meilleur ami donc, de ma copine qui y avait son ordinateur qui était tombé en panne et puis lui, il avait vraiment pas la thune pour s'en acheter un autre, tout ça, parce que c'était dans une période de galère. Donc je lui ai dit, écoute, allez, pas de souci, ton ordi, je te le répare. Je vais juste installer un SSD, installer Windows dessus. Changer le ventirad parce qu'il s'était cassé, parce que le plastique s'était fendu avec le temps. Et j'ai juste fait ça. Il a fait ah ouais, mais du coup, là, je t'ai payé les pièces, mais je te fais un cadeau et tout. Je fais, tu veux me faire un cadeau? Fais-moi le meilleur cadeau. Ne me parle plus jamais. Tu dis à personne que j'ai réparé ton ordinateur. Le personne. Bon réflexe. Parce que là, la bande de potes de Pailly, il y en a tout un stock. Donc, si j'entends le fait que j'ai réparé ton ordi en public, ça va chier. Je veux pas l'entendre. Voilà, il fait d'accord. Là, je suis content. Parce que c'est un gros risque, ça. Le fameux toi qui t'y connais, c'est une malédiction. Donc, en plus. Il y a beaucoup trop de gens qui sont des toi qui t'y connais pas. Oui, ou alors beaucoup de gens qui savent approcher avec cette phrase magique, au fait, ou alors tout qui t'y connaît. Tiens, ça va ? Ah, mais j'ai trouvé ça ce matin. Et... Ah non, c'est pas bon ça. Ou alors, j'aurais une petite question. C'est pas mal aussi. Et là, tu sais que t'en as pour 2 heures. Hein. J'aurais une petite question, parce qu'en général, il n'y en a pas une et elle est pas petite. Juste en 2 minutes. C'est ça. Quelle horreur. Donc, vous retrouvez nos anecdotes de dépannage informatique dans le nouveau podcast que je vais appeler Je suis. Ça serait un bon concept. Je suis sorti PC, ça va s'appeler, ça va être formidable. Mais ça serait un bon concept, un podcast, toi qui t'y connais. Oui. On vient déblatérer et se plaindre des gens qui s'y voilà. connaissent pas et qui nous font chier. Un autre concept, c'est le podcast de ceux qui récupèrent tout, c'est les Okazu. Ah c'est je vais pas acheter les listes, c'est vraiment ok. Ouais. Attends, moi je sais pas combien de disques durs dans un tiroir, juste au cas où. Voilà. Je crois que je m'en servirai jamais. Tu as un Okazu. Ah ouais, mais c'est clair. J'ai 2 ventirades AMD qui trônent sur mon bureau. J'en ai quand même gardé un. J'ai gardé celui tout pourri que j'ai changé. Et un deuxième au cas où. Voilà. Donc, voilà. Encore quelque chose qui caractérise Feel Good. C'est un au cas où aussi. C'est ça. Ou un Zokazu. C'est à toi qui t'y connais et un au cas où. Je sais pas si on peut appeler ça un au cas où, un Zokazu, un au cas où, je sais pas. Un Okazu, j'aime. Un Okazu, ouais. Il y a le petit côté musical. Voilà, un petit Okazu, voilà. Ce sera le nom. Donc, 2 nouveaux podcasts, les Toki Dikone et les Nokazu. Péremptoire, si tu nous écoutes. Le concept est en licence zéro, hein, c'est-à-dire vous y allez. Oh, quoi que non, en beer license. Si vous utilisez le concept, vous nous payez une bière. Oui, ça me va très bien, concept oui. De licence. Ouais. Je valide complètement. Vous retrouvez donc sur good.so et moi la playlist on peut retrouver sur un PodCloud comme par hasard, c'est vachement bien PodCloud pour les grosses feignasses. Voilà, sur la playlist.lepodcast.fr. Oui, parce que ça a changé, mais c'est vachement bien parce que je peux laisser l'ancienne adresse et une redirection automatique. Donc la-playlist.lepodcast.fr où je vais devoir mettre des commentaires en fait. Mais vu que c'est hachement facile avec PodCloud, ça va aller très très vite. D'ailleurs, ça tu peux aussi le dire sur la section commentaires du site lepodcast.fr dans les avis des internautes. J'ai lancé un petit appel cet après-midi, je sais pas si t'as vu passer. Ouais. Pour que les gens ils puissent donner leur avis, parce que les gens ils sont pas obligés de nous croire sur parole. Donc du coup, s'il y a plein d'autres gens qui donnent leur avis, c'est cool. Ouais, mais moi personne m'écoute, donc on s'en fout. Oui, mais il y a des gens qui pourraient te lire. Non, j'écris pas. Ah, c'est dommage. C'est bête. Bref, on va s'arrêter avant 3 heures quand même. Ça m'arrangerait un petit peu. Merci. Ça va, il est que minuit 33, on a le temps. Merci d'avoir... Oh non, je peux pas dire merci à ce mec-là, c'est pas possible. Je suis un peu fatigué en fait. Oui, bah tu es moi aussi, je vais aller coucher. C'est par pitié. Ouais, tu fais le montage vite. avant de te coucher. Non, j'ai fait le montage week-end. Enfin, dimanche. Donc merci d'être venu dans la playlist. Merci d'avoir partagé tous ces beaux moments incroyables. Merci de m'avoir permis de refaire un autre épisode en n'ayant absolument rien foutu. C'est formidable. c'est toute la beauté de ton concept que j'aime. J'ai tout appris de Pierre. C'est surtout de la jalousie, mais bon. On se retrouve pour bientôt pour le prochain épisode. J'ai une petite surprise pour décembre, mais il faut que je monte tout, c'est compliqué. Ça va être long aussi, parce que maintenant j'ai 2 co-animateurs pour les hors-séries qui vont faire des trucs un peu spéciaux. J'annonce pas encore qui sera le prochain invité, parce que je sais pas encore. Il faut que je recherche le fichier en attente, parce que maintenant... Il n'y a pas, il t'a envoyé sa playlist ou pas encore? Pas que je sache. Faut que je le tanne pour qu'il t'envoie sa playlist. Parce que là aussi, tu vas te marrer. C'est largement possible. Ah, bah je sais qui est le suivant. Ah, c'est qui? Un éminent podcasteur, je vais me garder ça de côté. Ah, c'est qui? Ah bah je dirais pas. Ah bah non. Cela, écoutez le prochain épisode de la playlist. Ça marche aussi. Ouais, malheureusement. Bon, on va se quitter avec le titre libre de droit, et comme je suis pas un chacal, je vais essayer quand même de respecter un minimum la licence. C'est en licence quoi d'ailleurs? Je sais pas, c'est du CC by NR. De la citation au minimum? Oui, au minimum, ouais. Donc tu vas le faire. Bah, donc du coup, c'est Le Pont du Gard de Holy Les Mômes, qui me semble être un nom de groupe particulièrement adapté pour un podcast qui se termine d'enregistrer à 8h33 quand il y a des gens qui bossent le lendemain. Moi non, hein, je bosse pas demain, mais Barberousse oui. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que ça représente bien qu'est-ce que c'est de se lever le matin, et que je sais qu'il y en a probablement qui sont en train d'écouter la playlist le matin dans leur voiture. Je sais que moi, par exemple, moi, ou plutôt toi, Phil du futur, qui écoutera ce podcast parce que tu te réécoutes tout le temps. Dans 5 ans. Déjà, peut-être dans 5 ans, mais plus particulièrement dès que Barberousse aura fini le montage et l'aura mis sur la playlist. Je sais que toi, tu écoutes le matin dans ta voiture. Et j'avoue que il y a un petit côté aussi dépressif dans cette chanson, et c'est un mélange de joie et de dépression, et c'est un très bon truc pour finir. On va écouter. C'est quoi? C'est Le Pont du Gard. Le Pont du Gard de Holly Les Mômes. C'est ça. Je mettrai les liens qui vont bien. Bon bah merci d'être venu, et puis bah à la prochaine, parce que apparemment j'ai peut-être faire une série Nina Simone ou en série vite d'autres trucs. Tu me parais un bon client. Ah, pourquoi pas. Allez. Salut. Salut. Comme tous les matins, le réveil est à l'heure. Le speaker vous salue bien. Il faudrait bien fermer sa gueule. L'horoscope vous conseille de ne pas prendre la voiture. Sur la route, c'est le vrai bordel. Cette nuit, il lâche les durs. Arrivé au boulot, on avale un café. Avec en prime, tout frais, tout chaud, le quotidien de la journée. Les politiciens d'hier soir sont encore à la une. À côté de 6000 licenciés, prévus chez J'aime la thune. Ça pas de bon sens, ça pas de bon sens. Bon sang de bonsoir, bon sang de bonsoir. Tous ces gens qui te foutent le cafard. Ça pas de bon sens, ça pas de bon sens. Croyez tous noir. Autant se jeter du pont du Gard. À la pause déjeuner, on se rend au bistrot. Au menu, steak caché, cholestérol en promo. De nouveaux cas de vache-folle ont été déclarés. Votre viande est peut-être contaminée, mais bon, rien n'est prouvé. Ça pas de bon sens, ça pas de bon sens. Bon sang de bonsoir, bon sang de bonsoir. Tous ces gens qui foutent le cafard. Ça pas de bon sens, ça pas de bon sens. Croyez tous noir. Autant se jeter du pont du Gard. Quel bonheur, fin des hostilités. Mais sur la route c'est l'horreur et le périph' est bouché. On passe le temps en écoutant les tubes d'FM détente, ponctués de flashs importants. La pollution est inquiétante. Ça pas de bon sens, ça pas de bon sens. Bon sang de bonsoir, bon sang de bonsoir. Tous ces gens qui te foutent le cafard. Ça pas de bon sens, ça pas de bon sens. Croyez tous noir. Autant se jeter du pont du Gard. Les bigorneaux sont formidables, les bigorneaux sont formidables, les bigorneaux sont formidables. Il est 20h, c'est la grand-messe pour le repos du guerrier. On retrouve la petite famille, direction le canapé. La ravissante journaliste vous souhaite une bonne soirée et vous annonce dans la foulée l'augmentation des suicidés. Et vive le sport. Ça pas de bon sens, ça pas de bon sens. Bon sang de bonsoir, bon sang de bonsoir. Tous ces gens qui foutent le cafard. Ça pas de bon sens, ça pas de bon sens. Croyez tous noir. Autant se jeter du pont, ça pas de bon sens.